vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Sébastien Gartin nous préparera un segment d'actualité internationale, son bulletin Gartin. Et Gabriel Béhou nous improvisera une chronique d'improvisation en allant dans les coulisses de la Luitre. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage requis. En ce mercredi 5 octobre 2016, on est à 204 jours de la fin de l'année scolaire 2016-2017. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Vaudin. On t'en tient les studios de 6 fois à Trois-Rivières. Ça va, Tania? Ça va très bien. T'sais, on est le mercredi, le cru de la semaine. C'est ça qui est ça. Le mercredi! Le mercredi! Qu'on appelle. C'était enfin aujourd'hui, je crois que c'est le lendemain de karaoké super sensational So You Think You Can Sing truc. Tu sais ça grâce à l'odeur. À l'odeur! Ouais. J'ai l'odorat développé à l'UQTR. C'est vraiment déplaisant par moment. Ce serait le fun de ne pas avoir ce sens-là de l'odorat. Il faudrait s'amener sérieusement des petits sambons à mettre un petit peu partout dans le corridor. Les bouchons pour les oreilles, ça rentre dans le nez? Ah, peut-être. Il faudrait l'essayer. Pas sûr. Aujourd'hui, à l'émission, Tania, on a un bon plan quand même. On a deux chroniqueurs aujourd'hui. Incroyable, mais vrai. On va voir Gabriel Béhoud vers les 8h30 pour sa chronique dans les coulisses de la Luitre. On va parler du plus récent match d'improvisation, celui qui a eu lieu lundi soir. Dans quelques instants, après la première chanson de l'émission, on va voir Sébastien F. Gartin et sa chronique à Bulletin Gartin. Il nous parle d'actualité internationale, essaie de démystifier un de ces sujets-là. On a aussi, bien sûr, nos chroniques maison. Plus tard, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a, où on va acheter des gadgets sur Internet. Ta chronique, Tania Ganatogénia, s'en vient. Quoi, je fais une chronique? Non. Mais pas deux, juste non, une. Non, c'est ça exactement. Hier, si vous vous rappelez, je vous parlais que j'allais faire la différence en certains... certaines organisations que je trouve quand même semblables à certains moments. Donc, je vais vous parler de ça. C'était ce que j'étais censée faire hier. Mais écoute, on a manqué de temps. J'ai juste fait sport et flushé hier. C'est ça. Tu refais pas la même chronique qu'hier. Non, inquiétez-vous pas. Tant que tu n'auras pas notre temps de main avec ça. C'est ça. Donc, comme je disais dans quelques instants, Sébastien Gartin, mes avances, une pièce de Le Couleur. C'est une nouvelle entrée du palmarès francophone. L'amour le jour. Assemblage requis. Dans une boîte carrée, je t'ai trouvé. Devant ma porte jaunie, on t'a laissé. Couleur dans l'émission Assemblage requis ce matin. Ça commence romantique de même, on aime ça. Ah ben oui. C'est vrai qu'un petit... ouais, vas-y. tout le monde le matin, comme ça, le mercredi, se réveille avec un petit smishwing parce qu'ils sont contents. Ça va être Sébastien F. Guertin qui va faire sa chronique. Yeah! Ouh! C'est le bulletin Guertin. Couvertin le matin. Je dois dire que je savais vraiment pas où c'est que tu t'en allais avec ça. Ben, les gens sont excités d'entendre Sébastien F. Guertin, oui. C'est ça. Vous avez compris. C'est ça le message derrière tout ça. Ouais. Un petit on malaise. Va retenir ça. Ouais. Bon, donc, en fait, bonjour. Non, on ne le retiendra pas. Bonjour. Moi, il arrête de te retenir. Là, ça... on ne parlera pas de l'anneau. OK, ouais, bref, c'est, ouais. On va... bref. Bref, tout ça pour dire que Sébastien F. Guertin est là tous les mercredis pour nous parler de politique internationale. Et aujourd'hui, j'entends dire qu'on parle de sujets là, insignifiants, de trucs débiles. Donc, on va parler, j'imagine, de Trump, c'est ça que ça veut dire? Ben oui et non. En fait, je vais commencer avec quelque chose de très peu international. Puis d'ailleurs, c'est pas vrai que je parle d'international. Je parle beaucoup plus souvent de national que d'international. Mais c'est bref. C'est vrai, ça. Fait que, ouais, j'attendais me présenter à matin, j'étais comme, je parle pas souvent de politique. Ben, c'est plus Jimmy Thibodeau qui fait attends ça. Attends un peu. T'as parlé de Syriens, t'as parlé oui, de... Oui, non, c'est vrai. Je parle beaucoup d'immigration. Fait que, tu sais, la planète dans les... Ouais. J'essaie c'est de différencier les chroniques d'actualité, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut justifier la multiplication des chroniqueurs. Le fait qu'on a au moins 3-4 chroniqueurs d'actualité... Ben, c'est ça, hein. C'est le mal de tous les médias style traditionnel de nos jours, c'est de justifier le nombre de chroniqueurs, parce que c'est ça qui pogne. Je pense que, ouais, c'est tout à fait ça. Ben, c'est pour ça qu'on fait éditorial le matin, c'est effrayant. Non, c'est vrai. T'as bien raison, mais on encourage ça quand même, faut laisser parler les étudiants. Mais je pense que on pourrait appeler ta chronique une chronique qui approfondit l'actualité. On pourrait dire ça comme ça. Ou de la surface. Je trouve que ça ressemble un peu plus à ce qu'on. À ce que, ouais, c'est ça. Je me reconnais plus là-dedans. Ouais, même si je trouvais que ça fitait bien avec ta chronique, mais ouais, on va changer ça pour qui approfondit l'actualité. Bref, peu importe, de quoi est-ce que tu nous parles cette semaine? Ben, cette semaine, j'ai eu le temps de me préparer un peu plus. Merci. Ce ne sera donc pas réellement une chronique avec podcast. D'ailleurs, excuse-moi pour le chat dans la gorge. Ça va être une chronique avec pas mal de casques aujourd'hui. Ouais. J'ai pris le temps de me préparer quelque chose, donc on va laisser couler ça un peu. J'ai fait un beau geste pour aller avec ça, puis ça sert absolument à rien à radio de faire des gestes. Mais non, c'est pas vrai, c'est parce qu'on a la caméra 3 qui est directement reliée Chine. À la Chine. Ah oui, c'est vrai. On a un grand public là-bas. Ouais, exactement. OK. Qui est content d'entendre parler, genre, de viol en Europe, puis toutes les actualités internationales qui ne sont pas dans une chronique d'actualité internationale. Ouais. Aussi. Hein? Tu vois? C'est pour ça que j'appelle ça demain. Ouais, mais en même temps, c'est ce qu'on parle de toutes les fois, c'est que j'ai pas parlé de choses internationales, je suis pas mal sûr que. Bref. je commence avec justement une nouvelle très très nationale. Radio-Canada publiait cette semaine. D'ailleurs, j'ai l'article qui est proche sur mon iPad. Fait que si vous voulez le mettre sur le site après, je vais pouvoir vous envoyer ça. C'est Radio-Canada qui publie une nouvelle sur leur site internet qui dit 41% des Canadiens veulent la fin des avantages accordés aux Autochtones. Il fallait que je mette un petit peu de drôle là-dedans. Ouais. Puis là. Moi, au début, j'étais comme encore, bon, un facepalm. Évidemment, c'est des sondages un peu faits à la boboche. C'est mon petit cheval de bataille. Ça va peut-être être plus cette année, d'ailleurs. L'année dernière, j'en ai fait quelques petites, J'ai fait quelques petites allusions sur le sujet, mais à quel point est-ce que les sondages au Québec et au Canada me tombent sur le cœur bien raide parce que j'ai une formation en sondage, ayant fait un bac en psycho dans mon jeune temps. Et en fait, les sondages qu'on fait au Canada, au Canada et au Québec, c'est à peu près... C'est exactement le contraire, en fait, de des bons sondages. Tout ce qu'on nous dit dans les cours, comment faire des bons sondages, c'est exactement le contraire. Okay. Bref. Donc, c'est ça. Fait que c'était très éditorial. Je vais revenir probablement plus là-dessus en détail parce qu'on a encore une belle session devant nous. Il se sent vraiment chiant. Il se prépare, ouais, le gars. Ouais, il se prépare. Ça sent bien. Le gars, il est jamais content. Tu sais. Oh. Il est en philo, jamais c'est content. Ça, c'est ça. C'est ça. Hein. C'est chiant, c'est comme un philosophe n'est jamais en retard. Un philosophe arrive à l'heure où il décide d'arriver. Ah, bon. La question, c'est est-ce que je suis vraiment un philosophe? Bref. Bonne chance à sa blonde. C'est peut-être sa question de maîtrise. Non, vraiment pas. Tellement pas. Mais. Mais ça, c'est une affaire qu'on réglera pas, anyway. Où ce que je veux en venir, en fait, avec ça, c'est que je veux même pas parler, en fait, des Autochtones ce matin, même si ça mériterait déjà qu'on en parle. C'est que l'économiste de gauche, Yannick Marcil, a fait remarquer sur son Facebook, puis c'est ça qui m'a comme un peu donné l'idée du reste des choses que je voulais parler, des choses que je voulais aborder ce matin. Yannick Marcil disait que c'est un titre un peu triste. Premièrement, parce que bon, le fameux sondage a été commandé par la CBC, c'est-à-dire le pendant anglophone de Radio-Canada. Premièrement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, le sondage était très, très de base et on avait le choix, en fait, entre deux réponses possibles, c'est-à-dire est-ce que vous voulez que soit on enlève le statut particulier des... premièrement, il y a une mauvaise traduction puisqu'on parlait plutôt de statut particulier et de politique spécifiquement dédiée aux Autochtones. Et est-ce que vous, dans le fond, là, on avait le choix entre soit enlever complètement ces politiques-là et ces statuts particuliers-là ou les approfondir encore plus. Et 59% des Canadiens, des répondants, en fait, au sondage, parce que c'est un sondage qu'on peut pas universaliser, c'est pour ça que je dis que c'est un peu de la chenoute. Est-ce que c'est par téléphone ou par Internet déjà? C'était par Internet en plus. Il aurait fallu que je fouille un peu plus, puis honnêtement, je me servais plus de ça comme ouverture au sujet duquel je voulais parler aujourd'hui. Je ne suis pas allé très en détail là-dedans, mais c'est ça. Yannick Marcil finit son statut Facebook, c'est un statut sur Facebook qu'il dit ça. Il dit « On aurait très bien pu titrer 59% des Canadiens et 65% des Québécois en faveur des politiques publiques bonifié pour améliorer la situation des Autochtones au pays. Mmh. » Et qu'est-ce que c'est quand on prend un titre comme ça qu'on fait, on fait exprès pour mal représenter un peu la situation. Ouais, lui donner un petit billet. Ben, excusez-moi le terme, mais des fois, on peut appeler ça un petit peu de la bullshit. Ah, oh, oh, oh. Mmh. D'ailleurs, c'est ça. C'est le sujet de sa chronique. C'est le sujet de ma chronique aujourd'hui. Oh, c'est pour ça que, bon, pendant la chanson, tantôt, je vous disais, je vais parler un peu de Trump, entre autres. Mais en fait, Trump est probablement l'apothéose de cette tendance-là. Mais ça reste que, bon, dans le discours public actuel, il y a énormément de... Là encore, j'ai l'impression que je vais m'excuser à toutes les fois, mais il y a beaucoup de... Puis il n'y a pas d'autre terme pour ça. Non. Bullshit. Ben, c'est parce que sinon, on va dire de quoi? On va dire de la bullshit à dièse. Point d'exclamation. Comme sur MSN. Et là, je me donne le droit d'utiliser ce terme très peu gracieux. Parce que ce que j'ai dans les mains, c'est un livre qui s'appelle On Bullshit de Harry Frankfurt, qui est un intellectuel, en fait, un professeur de philosophie du langage et d'éthique à Princeton, aux États-Unis, et qui a vraiment réellement publié un ouvrage. Un bel ouvrage, livre, en plus. Une centaine de... En fait, pas tout à fait une centaine de pages. Ça se trouve être plus un essai sur... puis le titre, c'est ça, On Bullshit, et il parle d'une forte tendance qu'on peut remarquer dans le discours public en Occident présentement, qui est, en fait, de complètement se foutre de la vérité dans ce qu'on dit. Mmh. Dire ce que le public veut entendre. Donc, exactement. Oui et non, entre autres. C'est une des facteurs. C'est sûr que c'est un peu ça. C'est une facette de... C'est utiliser le... C'est aller plus loin encore que vraiment la rhétorique. La rhétorique, soit dit en passant, on va y aller avec des définitions un peu ce matin. La rhétorique, ça, c'est l'art de bien argumenter, mais ça implique aussi que quand on fait de la rhétorique, ça implique que nos arguments sont bons. Si on discute sur la véracité de fait, c'est qu'il y a vraiment une question à approfondir sur la véracité de ces faits-là. La véracité n'en est pas évidente. et c'est pour ça qu'on en discute. Mais tu vois, c'est pas l'utilisation que je pensais, moi, du mot rhétorique. Quand les gens utilisent le mot rhétorique, souvent, ça veut dire une question que tu ne poses pas vraiment. Tu la poses, mais dans le fond, tu veux pas vraiment que les gens répondent. Ben, on dit ça des fois. En fait, oui, c'est pas nécessairement faux. C'est qu'il faut voir l'étendue de ce que le terme peut recouvrir. Ouais. Parce que quand on pose une question qui est rhétorique, c'est que, dans le fond, la question est rhétorique parce que la question ne vise pas à réellement poser une question. Okay. Faut aller un peu dans l'analyse du langage. Je veux pas trop me saucer là-dedans parce que c'est plate. Ah, ben mais moi, j'adore ça. C'est ça l'affaire. Vraiment. Mais ouais. Ben, je te suggère de prendre un cours de philo. C'est ça, ben oui. Mais on en a un yin sur ça, 45 heures sur l'analyse de langage. C'est vraiment le fun. J'en ai fait plus qu'un de ça, d'ailleurs. Mais non, c'est vrai que c'est intéressant. Par contre, ça permet de... Mais en gros, pour revenir à mon affaire de question rhétorique, c'est qu'en gros, c'est que quand on pose une question qu'on va dire rhétorique, c'est que c'est une question que c'est pas une vraie question. Dans le fond, notre intention n'est pas de questionner quelque chose. Notre question est de faire réaliser quelque chose, en fait. Donc, on dit qu'elle est rhétorique parce que la question, au lieu de faire avancer, mettons, la réflexion, elle fait plutôt avancer l'argumentation. Okay. C'est genre, c'est vrai, pose pas de question, je l'ai dit que c'est de même, c'est de même. Ben oui et non, c'est que le but de la rhétorique, c'est toujours de convaincre l'autre. Okay. Les premiers rhéteurs, les premiers vrais rhéteurs, dans le fond, un rhéteur, c'est un spécialiste de la rhétorique, de l'histoire, c'était ceux qu'on a longtemps appelé avec dédain les sophistes. Mm-hmm. Ouais, tu parles souvent de sophisme dans ta chronique. Ouais, c'est complètement différent d'ailleurs, parce que les sophistes, dans le fond... Hey, là, je vais pas partout ce que je pensais dans la ligne, c'est pas grave, c'est intéressant. Dans le fond, quand on dit la philosophie, si on décompose le mot, on a philo, qui vient de philae, philos, ainsi de suite, et on a sophie, qui vient de sophia. Philos, c'est vraiment amour de quelque chose, désir de quelque chose, volonté d'aller vers quelque chose, et sophia, c'est la sagesse. Donc la philosophie, l'idée de ça, c'était qu'on voulait de la sagesse, ce qui signifie qu'on l'a pas. Ouais, exactement. Dans le fond, on veut toujours quelque chose qu'on n'a pas. Mm-hmm. Donc, les philosophes, les Socrate, Platon, ainsi de suite, les vainqueurs de l'histoire de la philosophie, mettons, on va dire, eux autres considéraient qu'ils n'étaient pas des personnes sages, mais qu'ils étaient sur le chemin pour le devenir. Mais que c'est un chemin qui t'aboutissait jamais vraiment, dans le fond. Les sophistes, eux autres, au contraire, parce que, puis une des grosses différences, c'est que les fameux philosophes, eux autres, considéraient qu'il y avait une vérité avec un grand V qu'on pouvait atteindre par la connaissance, par la recherche scientifique, par un paquet de moyens comme ça. Ils s'entendaient pas ces moyens, mais en gros, il y avait une vérité qu'on pouvait atteindre éventuellement. Et un jour, il y aurait peut-être des êtres humains parfaitement intelligents. En fait, eux autres, ce qu'ils croyaient, c'était juste les dieux, les Apollons, tout ça. Ouais, qui avaient la vérité, mais les humains ne pouvaient pas atteindre la vérité entièrement parce que c'était l'espèce humaine n'était pas assez parfaite pour ça, en tout cas. Bref. Les sophistes, eux autres, de leur côté, en fait, c'est les ancêtres aussi des avocats, d'ailleurs. Ça a été les premiers, en fait, à faire exactement la même job que les avocats, c'est-à-dire être engagé par quelqu'un pour défendre ses intérêts par l'argumentation. Les sophistes, eux autres, considéraient qu'il n'y a pas de vérité absolue, il y a juste des vérités relatives. C'est pour ça qu'entre autres, une des citations les plus célèbres des sophistes, plutôt, c'est « L'homme est la mesure de toute chose ». C'est que chaque personne est le propre juge de ce qu'il considère par rapport au monde. Et ça finit là. Donc, l'opinion la plus vraie, elle n'existe pas. Donc, au bout du compte, l'opinion la plus vraie, c'est celle qui est la mieux défendue. Mm-hmm. C'est pour ça qu'eux autres ont passé beaucoup de temps à perfectionner tous les outils d'argumentation puis tout. Wow. Là encore, il y avait quand même, puis comme je dis, pendant longtemps, ça a été vu avec dédain. La tradition chrétienne de la philosophie a pris le côté, justement, des philosophes. Même de nos jours, jusqu'à très récemment, les sophistes étaient considérés comme des mouchenoutes. OK. On recommence depuis une couple de décennies à leur redonner leur lettre de noblesse dans le domaine et à plutôt regarder que oui, effectivement, il y avait quand même du contenu intelligent dans leurs affaires. C'était pas juste être les méchants dans les histoires de Socrate et de Platon. Il y avait quand même du mérite et ça mérite de voir. C'était les premiers relativistes, en fait. Relativistes qui ont rendu pas mal la mentalité à notre époque. Tout le monde peut avoir raison. Et c'est comme ça que je reviens à mon sujet principal. Voilà. C'est du talent. As-tu vu? Il a c'était fermé la toutes parenthèse. Les beaux trucs. Il est rendu habitué à ça. Ouais. C'est ça. C'était quasiment artistique. Quand je donne des cours, j'ai tout le temps un PowerPoint pour me ramener sur ces affaires-là. J'ai pas un Mathieu jour. Pour me faire chier. Avec un effet sonore genre... Exactement. Donc, l'ouvrage, c'est ça, il s'intéresse. L'ouvrage que je parlais, c'est « On Bullshit » de Harry Frankfurt. Donc, c'est ça, cet ouvrage-là, il se penche sur pourquoi est-ce que de nos jours, on a l'impression que... Puis là, je vais dire de quoi va peut-être écœurer certains chroniqueurs de l'émission ici, mais oh, c'est souvent les commentateurs de droite qui font ça. Oh boy. Mais prendre un peu ce qu'ils veulent dans la réalité et oublier le reste. Faut rappeler aux auditeurs que l'année passée, on avait un chroniqueur de droite. Vous vous en rappelez peut-être. C'est Monsieur de Julien Liberté. Samuel Gérard. On le salue. Salut, mais il est plus libre pour faire l'émission, notre émission, mais il continue Julien Liberté. Mais, puis là, je veux pas dire, puis là, je dis pas, c'est pas pour dire que Samuel faisait de la mauvaise job, mais des fois, il défend du monde que moi, je trouve qu'ils font de la mauvaise job. Ouais. Mais lui, en tant que tel, est beaucoup plus rigoureux que les gens qui défendent en général. Ah, bon, bon, tu vois. Fait que, un peu de love pour Sam. Ben, c'est ça. Ah, voilà. Il s'aime pareil, là, ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire, moi, puis lui, on s'invite à nos émissions. Pis, ah, puis il répond à l'Xbox de l'autre. Il y en a pas de problème. Ouais, c'est ça, ben, ouais, ça fut un échec, mais c'est pas grave. On a essayé. Bref, je l'aurais pas invité chez nous si je l'aimais pas. Oh, c'est si fin. Donc, ok. C'est un recueil de poésie plus qu'un livre sur c'est vrai, ben, on pourra peut-être mettre une photo même sur le groupe de l'émission tantôt, mais c'est un beau petit livre noir avec un petit carré dessus, puis tout, en tout cas, il est bien chic. Thank you. Tout relié en solide aussi, puis tout ça, c'est pas un livre mou. Couverture rigide, mais tu me disais par contre que le contenant est des fois peut-être meilleur que le contenu. Ben, ce que je disais, c'est que c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Okay. C'est quand même un livre d'analyse du langage. Puis là, je peux encore aller dans le contenu vraiment. Puis l'idée, c'est que je veux y aller le plus, je sais pas comment dire, le plus imagé possible. Mm-hmm. Parce que le contenu, si vous avez pas un petit fond de connaissances déjà en analyse du langage, un peu en logique, en communication, à la rigueur, ça peut déjà mieux outiller. C'est quand même un petit peu lourd à lire. Parce que c'est exemple. De l'analyse du langage. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu technique. Il est capable quand même de parler de ça sans trop tomber dans le très, très technique, dans la grosse logique formelle. On l'a dit, il y a juste 100 pages et moins. Donc C'est ça. Il y a juste une centaine de pages, pas tout à fait. En fait, il y en a exactement... Je suis en train de le checker, là. Je pense qu'il y en a 70, en fait. Et boy, c'est pas beaucoup. Tu vois, c'est pas beaucoup. Puis l'endroit, en fait, je veux pas résumer le livre au complet. Remarquez que ça se ferait quasiment dans la demi-heure que j'ai habituellement pour ma chronique. Par contre, où ce que je voulais en venir, c'est que, bon, suite à différentes discussions, mettons justement la méthode philosophique, se demander qu'est-ce que c'est en regardant ce que c'est pas, il en vient à dire qu'en gros, la grosse différence, c'est qu'il faut pas mélanger les gens. Puis là, pensez à Trump quand je dis ça. Puis Trump, ça va toujours être la plus belle illustration la plupart des politiciens actuels. Puis là, j'ai envoyé une pine aux gens de droite, mais je veux dire à gauche aussi, on constate la même chose. Puis tout, c'est juste que des fois, les gens de droite, c'est un petit peu plus gros. Mais en fait, tout le monde qui vient, qui une fois de temps à autre, remet en question les consensus scientifiques, vont pêcher par ça un peu. C'est que la grosse différence entre la bullshit et du mensonge. C'est que du mensonge, en fait, un menteur va ressembler beaucoup plus à quelqu'un qui dit la vérité qu'à un bullshitter. Okay. La raison de ça, c'est que... Puis là, j'utilise le terme anglais parce que je trouve qu'il n'y a pas de bon terme en français. Non, vraiment pas. Mais c'est vraiment rentré dans le langage. C'est que quelqu'un qui dit la vérité va avoir une question de sincérité. Dans le fond, il va prétendre... Il va dire, moi, j'ai des raisons fortes de croire que ça, c'est vrai. C'est basé sur un questionnement ou des preuves logiques qui se tiennent. J'ai des bonnes raisons de croire ça. Un menteur va savoir la même chose. C'est un peu ça ce qui va être un menteur, c'est que le menteur sait toujours c'est quoi la vérité, mais son but, c'est de faire passer quelque chose qu'il sait qui est faux. Oui, exactement. À l'inverse de ces deux-là, on a ça d'un côté. Dans le fond, on pourrait dire qu'un menteur est quelqu'un qui dit la vérité. C'est les deux faces de la même médaille, dans le fond. Mm-hmm. On est toujours avec on a notre scène, c'est la vérité, puis on a juste un côté puis l'autre. Ouais. Tandis que quand on est dans le paradigme, dirais-je, de la bullshit, c'est ça fait drôle de dire ça. C'est, hein? Le paradigme de la bullshit, j'aime ça. C'est que là, en fait, on n'a pas du tout, on s'en fout de la vérité, on s'en fout de ce qui est vrai. Puis c'est pour ça que je parlais de relativisme un peu. C'est qu'on n'en a rien à foutre de si c'est vrai, si c'est fondé, quoi que ce soit. C'est vrai parce que ça fait notre affaire. Et c'est ça la grosse différence. Ouais. Quand on voit des politiciens dire des choses que, oui, mais je m'excuse, moi j'ai une connaissance de base là-dedans, je peux vous dire que c'est complètement faux. Mais que le politicien l'a dit quand même, que tous les groupes de pression, tous les gens le moindrement informés sur le sujet disent « mais c'est complètement faux ce que cette personne a dit », et que la personne le prétend quand même sans remise en question, sans se prendre de petites gênes, n'importe quoi, c'est là que tu sais que c'est de la bullshit. Pis parce que la vérité n'importe pas du tout. C'est ça. Le but, c'est l'agenda. Puis les fans de Trump, maintenant si on revient à Trump, s'en foutent complètement qu'ils disent pas la vérité, parce que pour eux, c'est pas ça l'important. L'important, exact. C'est la personne et son caractère et sa présence et la personne. Et c'est ça. Puis pour le dire en termes un peu plus formels, ce qui est, dans le fond, le souci de quelqu'un qui dit la vérité et d'un menteur, ben comme je disais, ça va être la vérité, ça va être la solidité des faits, ça va être l'apparence de solidité des faits, parce qu'un menteur, il faut quand même qu'il justifie. Mais quelqu'un qui bullshit, en fait, la solidité de son argumentaire puis tout, parce que c'est deux choses différentes, c'est la rigueur et ainsi de suite, rien à foutre. L'important, c'est la sincérité, en fait. C'est, est-ce que je veux croire à quel point, est-ce que je veux croire que c'est vrai? Ben oui, si oui, ben ça va passer parce que c'est comme ça que ça passe. Ouais. Puis après, ils disent genre, ah, mais tu sais, c'est pas un policier, fait que c'est ça que je veux, c'est pas un policier. C'est ça. Ouais. Mais même les politiciens très très de carrière vont le faire constamment, tu sais. Puis là, on peut aller sortir un paquet d'exemples. Je vais laisser les gens à la maison s'amuser à faire ça. Ça va être notre activité de la semaine. Essayez de voir quand est-ce qu'un politicien vous dit quelque chose qui vous semble complètement irréel, complètement déconnecté de la réalité, et pourtant le dit avec une ferveur, ce qui fait qu'on en vient quasiment à le croire, parce que c'est ça, ça fonctionne beaucoup aussi avec la répétition, on finit par le croire parce que la personne a tellement l'air d'y croire qu'on suit. Donc, moi, une des choses qui fait qu'on peut faire ça de nos jours, puis ça c'est quand même récent qu'on peut faire ça, ça fait pas plus qu'une vingtaine d'années. Une des choses, c'est qu'on a tellement maintenant de sources d'informations différentes que on n'a pas la... Dans le temps, il fut un temps où on avait quelques livres, on avait un journal le matin, puis on l'épluchait. On prenait la peine de lire comme du monde, puis de se dire, si quelque chose nous titillait là-dedans, ben ça nous titillait toute la journée parce qu'on n'en avait pas lu beaucoup d'affaires, puis on avait le temps d'aller à la bibliothèque parce que dans le temps, l'Internet n'existait pas, puis on allait chercher sur le sujet, puis on faisait « Ah, mais là, ce journaliste-là a peut-être un petit peu outrepassé, a peut-être pas tout à fait bien fait ses recherches parce que je me rends compte que... » Puis là, tu publiais une lettre d'opinion, puis bon. Là, je vais dans une manière très, très idéalisée, puis là, je fais mon conservateur en disant « C'est donc bien mieux avant. » Mais de nos jours, on a tellement... on aurait toujours cru qu'avec l'Internet, avec la démocratisation des connaissances comme ça, que les gens seraient plus savants, mais en fait, ils le sont moins parce qu'ils ont moins de temps pour chaque source d'information. Et que l'information vient de n'importe où. Oui, exact. Et l'information vient de n'importe où. C'est beaucoup plus difficile de prendre au sérieux de l'information qu'on reçoit. On savait que... une des manières de savoir si on se fait niaiser ou non, c'est de regarder la source et c'est d'analyser la source. Dans le fond, de regarder ce journal-là, par exemple, est-ce qu'il est vraiment crédible? Est-ce que je peux lui faire confiance? Fait que là, tu vas regarder des anciennes affaires, tu compares avec des choses que tu sais qui sont déjà crédibles, et ainsi de suite. Est-ce que c'est le journal de Montréal? C'est ça. Tu ESPN-live.co ou bien ESPN.com, Antonia? Tania, des fois, ses sources sont pas tout à fait sûres. Dans la vie, c'est pas vrai, jours, c'est, pas je radio. Dit, mais c'est un piège. Je fais dire que je l'ai dit pas en ondes, c'est Mathieu qui me punch sur quelque chose que j'ai dit à l'extérieur des ondes. Puis de toute façon, ça arrive au meilleur à cette heure parce qu'on n'a pas le temps de le vérifier parce qu'il y a tellement de sources. Puis si on se coupait de certaines sources, ben on n'est plus à jour avec d'autres affaires. Donc, ça finit plus à mener à la vitesse que l'information va. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on vit une époque de relativisme. C'est-à-dire que ça, pour le meilleur et le pire, l'époque où ce qu'on croyait à une vérité universelle puis tout, ben c'est un peu fini. À cette heure, tu sais, t'es un beau et unique flocon de neige et tu vaux autant que l'autre. Puis tu sais, jusqu'à un certain point, c'est une avancée de faire dire que tout le monde vaut autant l'un que l'autre, sauf que je vais clore avec ça, avec une phrase de Isaac Asimov, celui qui a écrit le livre Les Robots. Oui. Qui a été cité publiquement Mané, qui disait, puis là je le paraphrase de mémoire, mais il disait... Évidemment, il le dit en anglais, puis il disait « La grande illusion des démocraties en Occident, c'est que ça vous laisse croire que votre ignorance vaut autant que mon opinion bien formée. » Oh, c'est fort, ça, ouais. C'est fort. Une fois que tu prends le temps de l'analyser un petit peu, là, c'est ça. Parce que c'est pas parce qu'on a droit chacun à notre opinion que toutes les opinions se valent. Ben oui. Mais on vit dans une époque où c'est facile de dire que toutes les opinions se valent. Ben parce que tu te fais encourager, même si ton opinion est du bord du tort. Exactement. C'est ça. Puis on regarde, même avec les réformes en éducation, ça encourage beaucoup à ça. On outille beaucoup les jeunes à être capables. Puis quand je dis les jeunes, ça fait drôle parce que j'ai pas 30 ans. Ouais. Mais les plus jeunes encore, on les outille beaucoup depuis la réforme. Moi, les dernières années avant que la réforme passe. On les outille beaucoup pour émettre leur opinion. On leur donne beaucoup de méthodes de s'exprimer, d'exprimer une opinion, d'exprimer des points de vue. Mais on leur donne pas d'informations, c'est ça, pour baser leur opinion. Pis ça, ben, ça semble être un peu un mal qu'on a en Occident présentement. Ouais, c'est qu'on est bien bon pour dire ce qu'on pense. Je veux dire, Facebook, les sections commentaires en dessous sur les sites Internet des grands médias, ainsi de suite. On est bien bon pour pitcher notre opinion, mais on n'est pas bien bon pour la former, par contre. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je vous laisse sur la petite phrase de Isaac Asimov et sur le fait de réfléchissez-y et ne prenez pas que ce qui fait votre affaire. C'est cute. Bonne semaine. T'as pas encore 30 ans ou tu... C'est vrai ça? T'as pas encore. Ben, je dirais pas mon âge en nombre. Non, j'ai pas encore 30 ans. J'ai pas. Je veux pas que tu me dises ton âge exactement. C'est que de la façon que tu parles, c'est comme si t'étais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus vieux que la moyenne. Mais non, c'est mais parce que je disais les jeunes. Une connaissance c'est de. C'est parce que, non, mais c'est parce que je disais les jeunes, parce que je pensais aux gens, à ceux qui sont actuellement adolescents, mettons, là, ou qui rentrent près dans ce temps-ci au cégep, mettons. Ouais. Mais je veux dire, ça faisait drôle de dire les jeunes parce que je suis pas très vieux non plus. On est quand même 18-34 ans. 18-34 ans, la tranche, la braquette des sondages. Tu connaissais les sondages? Ouais, c'est ça. Ouais. On va en reparler. Ouais, c'est ça. Ça va être mon nouveau mauvais objet cette année. Ouais. Donc, Sébastien Bierta qui a commencé sa chronique tout à l'heure en chialant contre les chroniqueurs de droite, contre le résumé de sa chronique. Est-ce que tu veux finir avec un dernier chialage? Est-ce que ta musique de fond est trop forte? Non, c'est beau, c'est correct. Est-ce que j'ai trop parlé? Je mets pas les écouteurs quand je t'attends d'émission. Ah, c'est pour ça, hein? On te retrouve à ton émission. La sortie de secours est à votre gauche. Lundi, maintenant, un nouveau jour, nouvelle heure à 11h. Oui. Ça va être cool, ça. Qu'est-ce qui se passe dans la prochaine édition, mettons, de l'actualité, je te dirais? Ben, c'est sûr qu'étant donné qu'on essaie... Ben oui, ça, on en fait beaucoup, en fait. Mon co-animateur, Lucas, est bien fan, justement, de la politique américaine, entre autres, puis de la politique européenne aussi, en fait. Fait que moi, je m'occupe justement plus du national en général. Fait que puis on essaye de varier nos sujets, c'est-à-dire ne pas c'est-à-dire que j'essaie de ne pas refaire la chronique que j'ai faite aujourd'hui. Ben oui. Fait qu'on va arriver avec d'autres choses. Cette semaine, je sais pas trop de quoi je vais parler. De quoi on va parler, il y a des chances qu'on parle encore du PQ. Oui. Parce que là, c'est le vote là, pour la chefferie. Fait qu'on va peut-être avoir les résultats. Je m'en rappelle plus c'est quand ils sont supposés de sortir. Puis à part de ça, je sais pas, c'est sûr qu'on va parler de Trump parce qu'il y a tout le temps de quoi parler de Trump. Ça, on peut pas s'en passer. Puis du reste, en fait, nous autres, pour être bien francs, on se prépare vraiment à la dernière minute parce que vu qu'on essaie de faire le plus d'actualité possible, on essaye d'être le plus dernière minute quand on se prépare, mais c'est pas par. C'est le plaisir de faire de la radio d'actualité. C'est ça. Puis si tu n'avais pas dit ce dernier bout-là de ce que tu viens de dire, le reste avait du sens par rapport à ton résumé de ta prochaine émission. Mais c'est t'as rajouté, je le prépare à la dernière minute. Mais ce que je viens de dire, ça compte à peu près pour le quart à peu près de l'émission qu'on fait. Fait que c'est sûr qu'on a un trois quarts de trucs qu'on a lu au courant de la semaine, puis qu'on arrive le matin avant l'émission. Là, c'est le fun, c'est le matin avant l'émission. Puis qu'on se dit, bon, on va parler de ça à telle heure, de ça à telle heure, de ça à telle heure, puis... Parce que là, c'est vraiment les dernières affaires. Puis. Pendant que ça parle de sexe en ondes sur c'est fou le sexe de 9h30 à 11h, eux, ils sont en train de préparer de la politique. Exactement. Elle a sorti ce coup en bas de gauche les lundis à 11h. On rappelle les samedis à partir de 16h. Avec Sébastien Bigartin et Lucas Hébert. Merci, Sébastien. C'est moi qui vous remercie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Toujours les mercredis à 7h30 en début d'émission. On prend une petite pause musicale parce que Colin, je regarde ça, puis Trump, des fois, est un petit peu intimidateur. Parfois. En plus d'être menteur et d'être orange, sauf autour des yeux. Et mon Dieu. Voici Japanese Girls, The Bully for You. Ah, son âge. Japanese Girls et Believe For You à Sondage Rocky. Au retour de la pause, c'est qu'on fait? Ah, je pense qu'on va jaser un petit peu. Ouais, un petit peu. Hein? Ah, crime, c'est le fun, on fait jamais ça. C'est vrai? À Sondage Rocky, au retour. À Sondage Rocky. Vous êtes assez tard pour l'écouter. Pour l'écouter. 89. Toujours à Assemblage Rocky en ce mercredi 5 octobre 2016. C'est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Dire que j'avais un ordre pour jouer les intros avant de l'émission, mais là, j'ai mis n'importe comment. Il n'y a plus d'ordre. C'est comme je filais à ce matin pour des bruits d'animaux en fond. Puis ouais, oui, c'est bien le fun. Donc, c'est l'ouverture de Valès Parietta remaniée par les risques du plasmique qu'on écoute aujourd'hui. Bref, ça pour dire que c'est le moment de passer à Tania Baudin. Oh ouais! Tania qui a une chronique quotidienne à l'émission. Ah oui, oui, oui, oui. Même que je dirais pas mal la seule chronique quotidienne de l'émission. Pas mal. Pas mal ça. C'est Tania is gonna entertain ya! C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania! And she's gonna entertain ya! Oui, oui, oui! Oui, oui, oui, Tania Baudin qui est là. Oui, aujourd'hui, on parle en fait de l'ONU. J'ai entendu dire des mots qui ont l'air larges, lourds. Quand même! Mais que tu vas nous rendre ludiques, j'imagine. Ben oui, assez. Parce que ça m'est arrivé dernièrement de faire le tour de justement ce qui se passait dans l'actualité. Récemment, on va en parler un petit peu plus tard, mais récemment, il y avait un congrès qui est basé à la base par l'ONU qui se déroulait ici au Canada. On en a discuté aussi la semaine dernière parce que, bon, Emma Watson était de passage à Ottawa. Ah, c'était ça, oui. C'était ça. Et donc, comme je l'ai dit, on va en parler un petit peu plus tard. Mais je voulais surtout commencer ma chronique en vous présentant ce que je trouve qui, parfois, peut être assez difficile à comprendre parce que je ne sais pas si je suis la seule, si je suis naïve ou si je... Ça, je peux te confirmer que oui, tu es naïve. Continue. Ou si je manque de connaissances à ce niveau-là. Mais il y a beaucoup de fois où il y a des organisations qui vont avoir des ressemblances assez remarquables avec certains partis politiques. Ah. Mais pourtant, ces organisations-là ne seront pas nécessairement gouvernementales. Elles sont indépendantes quand même. Exactement. Tu sais, si on parle de l'ONU, on s'entend, une de leurs bases, c'est de faire régner la paix un petit peu partout. Mais pourtant, c'est pas gouverné comme un parti politique, mais on s'entend qu'ils ont des ressemblances. Par exemple, si jamais, je sais pas moi, l'ONU fait une campagne de sensibilisation ou de conscientisation à un certain point, ça va ressembler beaucoup à une campagne électorale de parti politique. C'est quelque chose qui arrive souvent, c'est une ressemblance qu'il y a, mais ça vient surtout nous dire, OK, mais à quel point est-ce que c'est différent un parti politique, puis à quel point est-ce que c'est différent cette fameuse organisation-là qui, à la base, est pas censé être gouvernemental. Parce que si on regarde ça comme ça, sur plusieurs points, c'est semblable. Ouais. Donc, je voulais commencer ma chronique en vous faisant un petit peu cette espèce de différence-là de qu'est-ce qu'une organisation non gouvernementale, comme exemple l'ONU, versus qu'est-ce qu'un parti politique qui est gouvernemental. Donc, si on y va pour une organisation non gouvernementale, bien évidemment, ça ne doit pas être confondu avec une organisation intergouvernementale. Et une organisation non gouvernementale, c'est une association qui va être à but non lucratif, qui va être d'intérêt public, qui ne va pas relever ni de l'État, ni d'institutions internationales. Et les ONG n'ont pas le statut de droit international. Okay. Donc, déjà à la base, oui, l'ONU peut avoir certaines contraintes par rapport à tout ça en partant. L'organisation non gouvernementale aussi, donc ce qu'on appelle une ONG, bien l'habitude, c'est de réserver le terme aux personnes morales à but non lucratif qui sont financées par des fonds privés. Même à ce point-là, parfois, les partis politiques vont être financés par des fonds privés. Donc, de ce côté-là, c'est assez ressemblant aussi. Ouais. Et ça va être grâce à l'apport de la sociologie des organisations, les principaux critères qui vont définir qu'une ONG vont être les suivants. Donc, le but non lucratif de son action. Tu veux pas nécessairement faire de l'argent avec ce que tu fais. Et si t'en fais, faut que tu la réinvestisses dans l'organisme. Exactement. Comme c'est fou. Oui, c'est ça. On parle d'indépendance financière aussi, donc tu ne fais pas nécessairement partie de partis politiques. Comme c'est fou avec la GE. Exactement. Il y a aussi des comparaisons avec nous autres. Oui, tout à fait. On parle d'indépendance politique. Donc, tu peux pas nécessairement prendre part à une campagne électorale, en quelque sorte, parce que tu es censé être indépendant politiquement. Et la notion d'intérêt public. Donc, une ONG, ce qu'on appelle une organisation non gouvernementale, c'est comme une personne morale qui n'est pas un gouvernement et qui intervient dans le champ national ou international. Donc, les relations juridiques internationales sont traditionnellement des relations uniquement entre États ou entre gouvernements. Et on considère parfois que le comité international, par exemple, de la Croix-Rouge, comme l'ancêtre des ONG, parce que c'est eux qui sont un petit peu les... Je veux pas dire les inventeurs, là, mais les bâtisseurs, mettons, de ce qu'est une ONG, parce qu'il y avait un statut hybride spécifique vis-à-vis les différents États. Donc ça, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'une organisation non gouvernementale? Maintenant, qu'est-ce qu'un parti politique? Parce qu'un parti politique, c'est une organisation politique, ça le dit, qui va venir chercher à influencer une politique gouvernementale. Donc déjà, à la base, on est deux entités bien différentes. Et en amasse des propres candidats pour tenter d'obtenir des mandats politiques. Donc, plus généralement, la notion de parti politique va posséder deux définitions. Ça va avoir vraiment deux définitions bien claires. La première, c'est d'ordre idéologique. C'est presque synonyme de faction. Donc, il s'agit, pour reprendre les termes de Benjamin Constant, on parle d'une réunion d'hommes qui professent la même doctrine politique. Évidemment, c'était écrit à l'époque où ça aurait pu... maintenant, ce serait des personnes ou des humains. Exactement, oui, c'est ça. Tout être humain qui discute de... Oui, tout à fait. Et la seconde définition, en fait, c'est... elle consiste à saisir le parti politique en tant que forme politique, qui est une structure d'organisation de la démocratie. Donc, c'est pas nécessairement toute organisation non gouvernementale qui vont être semblables à un parti politique. Déjà, à la base, les deux entités sont vraiment différentes. Mais ma question était, quelles sont les ressemblances quand même avec l'Organisation des Nations Unies? Parce que ça arrive parfois qu'un parti politique ou une organisation vont avoir des ressemblances. Comme je le disais, lorsqu'on voit, exemple, une campagne de sensibilisation ou une campagne de conscientisation, bien, tu vas voir certains patterns, disons-le comme ça, qui vont revenir dans les deux cas, même si les deux sont des entités bien différentes. Donc, l'Organisation des Nations Unies, pour ceux qui ne savent pas trop qu'est-ce que c'est, bien, c'est une organisation internationale qui regroupe à quelques exceptions près tous les États de la Terre. Donc, déjà en partant, on n'est pas dans un parti politique. Oui, il y en a absolument c'est, pas. C'est comme, c'est impossible. Et je suis surpris qu'il en manque là-dedans. J'aurais pensé tout le monde, mais non. C'est vrai. Donc, on distingue aussi des États qui vont composer l'ONU d'organisations à pour finalité la paix internationale. On travaille tous dans le même but qui est la paix internationale. Donc, les objectifs sont de faciliter la coopération dans le droit international, la sécurité internationale, le développement économique, le progrès social, le droit de l'homme et la réalisation à terme de la paix mondiale. On s'entend que même sur certains points, là-dedans, il y a des choses qui vont revenir dans un parti politique. On s'entend... Ils disent aussi qu'ils veulent le bien du public. Ben oui, la sécurité, le développement économique, le progrès social. Les emplois. Les droits de l'homme, l'égalité. Donc tout ça, ça, tu sais, c'est quelque chose qui sont quand même semblables, on s'entend. On contient plusieurs organismes annexes qui vont amener à ces fameuses missions-là, ces fameux objectifs-là du côté de l'ONU. Mais ce que je trouvais très, très intéressant aussi, c'était de voir justement où était cette fameuse ressemblance-là avec les partis politiques. Donc, si on parle, par exemple, des campagnes de sensibilisation versus les campagnes électorales, il y a des choses qui reviennent, c'est semblable. Par exemple, savoir ce qu'on veut obtenir, se rendre compte de qui peut obtenir les changements, identifier les personnes qui sont visées, le message qui va être très, très, très simple. Un petit slogan Q. Oui, c'est ça. Et se rendre compte de qui peut influencer les personnes visées. Donc, à la base, une organisation non gouvernementale et un parti politique sont basés sur exactement le même frame pour vendre ce qu'il a à vendre. Tu veux vendre quelque chose, tu veux faire une campagne de quelque chose. Du côté parti politique, on va y aller beaucoup plus maintenant, surtout en Occident. Du côté réalité de la chose, ça devient quasiment un show de télé. Tandis que du côté de l'ONU, bien, on va vraiment rester sur l'obtention de la paix internationale. On pourrait quasiment aussi comparer ça à une infopublicité. Oui, quasiment. T'as bien raison. Parce que bon, y a un problème, on essaie de le régler, voici la façon pour vous rendre heureux et que tout le monde soit content. C'est vrai? J'avais pas nécessairement pensé à ça, mais t'as bien raison. Et on s'entend que l'ONU, bien, à la fin, ça a quatre objectifs bien définis. On s'entend de que c'est maintenir la paix et la sécurité partout dans le monde, développer les relations amicales entre les nations, donc c'est complètement différent d'un parti politique à ce moment-là. On parle aussi de réaliser la coopération internationale sur tous les sujets où on peut être utile et encourager le respect des droits de l'homme. De ce côté-là, ça va pas si pire, parce que même d'un parti politique, parfois on va parler de tout ce qui est coopération internationale, donc de travailler avec les autres un petit peu partout, mais ça va être vraiment dans le but de faire une économie à un certain point, ce qui n'est pas le but de l'ONU. Non, c'est ça. L'ONU est une OSBL, on l'a dit tantôt. Le parti politique, lui, doit récolter le plus d'argent possible pour réussir à gagner, à être au sommet. Même si c'est pas supposé être comme ça que tu gagnes par l'argent, mais des fois, ça la donne comme ça. Tout à fait. Ouais. Et on parle aussi de l'objectif qui est être un centre où s'harmonisent les efforts des nations dans des objectifs communs. Donc, l'ONU, comparé par exemple à un parti politique, va travailler avec les partis politiques qui vont être en place. Ça va bien évidemment devoir se ressembler à certains points, parce que si tu travailles avec quelqu'un, t'as pas nécessairement le choix à un certain point de ressembler à ce parti ou à cet État-là. Mais c'est vraiment de venir joindre tous les États, tous les partis politiques gouvernementaux pour justement arriver à un seul but. Pour travailler dans le même sens. Exactement. Ouais. Tout à l'heure, je parlais de certaines branches de l'ONU qui font quand même assez parler dernièrement. La semaine dernière, je vous ai parlé que Emma Watson était de passage au Canada. Elle avait discuté avec Justin Trudeau. On a ri, c'était bien beau. Le bon moment. T'as tellement aimé ça, regarder ça. Oui, vraiment. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, parce que ça fait le tour des médias sociaux. C'est une ambassadrice qui est quand même assez jeune, donc elle vient rejoindre des jeunes. Mais on a aussi cette fameuse passion-là des jeunes qui est de s'impliquer de plus en plus dans des organisations ou dans des partis politiques, justement. Et ça, c'est comme une éclosion de notre génération. Je le mets vraiment en guillemets. Parce que large génération des 0 à quoi? 34? 30, 34, mettons. 34, wow. Oui. Mais là, je voulais vraiment vous présenter quelles sont les différentes branches, mettons. J'en ai ciblé deux exactement. On parle de l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Le NAMBLA. Le NAMBLA. En fait, ça s'appelle l'ONU Femmes. Ah, d'accord. C'est pas très, très compliqué. C'est un petit peu là où se concentre d'ailleurs Emma Watson. Et c'est un petit peu pourquoi on a vu naître aussi plusieurs débats ou plusieurs speeches, discours présentés à l'ONU par la jeune actrice. C'est parce que c'est ce qu'elle représente. Donc, l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, ou, si vous voulez, on peut appeler ça ONU Femmes, c'est beaucoup moins long. C'est plus facile, oui. C'est une agence qui fait partie de l'Organisation des Nations Unies. Elle a été créée dans le but de promouvoir cette fameuse parité et l'autonomisation des femmes partout dans le monde. Donc, encore une fois, c'est pas un parti politique. Il y a des partis politiques qui vont venir appuyer ce besoin-là, ce travail-là, et... Mais l'ONU, à la base, c'est pas pour gagner de la popularité, c'est vraiment pour arriver à faire en sorte que les femmes vont tous avoir le même droit partout dans le monde. Encore une fois, ça revient un petit peu à la paix mondiale, c'est de travailler avec les États pour justement arriver à ça. Le travail du parti gouvernemental ou du parti politique, par exemple, c'est d'appuyer ce que l'ONU va être en train de faire pour justement gagner des votes, ce qui va être un petit peu différent. Ouais. Ou d'essayer d'accomplir ce que les intérêts politiques, les groupes de lobbying veulent qu'ils fassent. Oui, c'est vrai. Ouais. On s'entend? Oui. De ce côté-là, si on fait un petit peu l'histoire de qu'est-ce que ONU Femmes, bien, c'est une entité qui a été créée dans le cadre de réformes globales de l'ONU. Donc, tout ça a été débuté vers les années 2000-2005 à peu près, mais on a vraiment fait la création de tout ça en juillet 2010. Donc c'est quand même assez récent, c'est nouveau, c'est comme un petit bébé, mais on en entend beaucoup parler. Donc on fait également suite à des négociations avec, par exemple, les groupes militants pour la cause des femmes. La nouvelle entité regroupe et fusionne différentes structures de l'ONU qui sont déjà existantes, comme exemple la Division pour l'avancement des femmes, l'Institut international de recherche et de formation pour l'avancement des femmes dans le monde, le Fonds de développement des Nations unies pour la femme, ce qui est l'UNIFEM, ou encore le Bureau du conseiller spécial pour les questions de genre et l'avancement des femmes, encore une fois. Donc, on parle vraiment juste de ce qui est le droit des femmes, parce que oui, ici, au Canada, c'est quelque chose qui est quand même discuté, c'est quelque chose qui fait quand même beaucoup de débats, mais on s'entend que comparé à certains autres pays, on a déjà une bonne longueur d'avance. Donc, l'ONU, en fait, elle s'assure que, justement, nous, notre progrès qui a été fait ici peut être bénéfique ailleurs. Puis qu'on recule pas non plus. Qu'on recule pas, bien évidemment. Donc, c'est une des branches qui fait partie de l'ONU et leur mission bien première, bien évidemment, c'est par exemple, l'information, le conseil, voire l'assistance technique qui concerne l'égalité des sexes, l'autonomisation et le droit des femmes, et aussi transversalisation de la problématique homme-femme. Comme je viens de le dire, ici, oui, c'est quelque chose qu'on parle encore, c'est quelque chose qui fait pas encore partie des débats, que ce soit dans certains partis politiques ou que ce soit autour de la table chez vous. C'est des sujets qui se font voir encore. Mais il y a des pays dans le monde que c'est pas nécessairement encore un débat et que c'est même pas encore dans la tête de certains partis politiques. Ouais. Donc, en fait, le but de cette entité-là de l'ONU, c'est de vraiment travailler pour que ça puisse arriver à longue partout échelle. Dans le monde. Ouais. Oui, exactement, à longue échelle, comme tu le dis. Il y a aussi une des branches dont ils viennent de se passer là, ici au Canada, là, c'était comme la semaine dernière. C'était pourquoi d'ailleurs Emma Watson était de passage à Ottawa. On parle du One Young World. Wang Tong. Ça sonne vraiment de même. C'est vraiment difficile à dire. Dis-le 5 fois de suite. Très, très rapidement, c'est difficile. On parle du One Young World. Un seul monde jeune. Et one voilà. Young World, d'accord. Merci Mathieu. Donc, c'est un sommet annuel, en fait. C'est pas vraiment une branche, mais c'est vraiment un sommet annuel pour des jeunes leaders de demain qui voudraient justement être attitrés un petit peu à l'ONU. Et qu'est-ce que le type? Ben, c'est une organisation totalement non gouvernementale, on s'entend. Et c'est surnommé aussi le Forum de Davos des jeunes. Donc, ça manifeste la réalité d'une humanité commune et l'expérience partagée de tous les peuples, parce que c'est des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde, dans un monde unique, qui est exactement le même but que l'ONU. Donc, c'est le premier congrès mondial qui est destiné aux jeunes leaders. On s'entend que son but est de connecter et de rassembler les personnes les plus jeunes et talentueuses, et aussi de s'assurer que leurs préoccupations, leurs opinions, leurs solutions soient entendues et prises en considération par ceux qui sont au pouvoir, et que ce soit par les gouvernements, les entreprises ou encore dans tout autre secteur. Donc, bien évidemment, quand on arrive là-bas, l'ONU va être là. Le parti politique de où est-ce que tu te retrouves va être là. Il va y avoir d'autres partis politiques, d'autres gouvernements qui vont être invités. Parce qu'en fait, c'est comme une porte d'entrée pour les jeunes qui veulent prendre de la place dans les organisations et dans le développement de demain. C'est quasiment comme une télé-réalité, là, à VTL, là, genre célibataire et ONU. Oh mon Dieu! Ouais, bon. Ouais. Comment ça fonctionne? Parce que si vous vous demandez, OK, mais moi, je veux participer à ça, là, c'est vraiment très cool. Pour rencontrer Justin Trudeau. Oui, c'est ça. Bien, sachez que les jeunes leaders, parce qu'on les appelle comme ça, les jeunes leaders, les personnes qui vont participer à ce sommet-là, sont choisis après vraiment un long processus de sélection, sont notamment jugés pour leur potentiel de leadership, être préoccupés par les enjeux mondiaux. Il faut montrer sa capacité à saisir des concepts complexes et fournir des conseils précis, et aussi avoir une expérience avérée dans une activité X. Donc, par exemple, t'as aussi un talent en chant. Non, mais non. Non, ça, c'est la voix jaunuard. C'est ça. Oh mon Dieu. J'essayais comme... de la plugger, mais tu m'en empêchais. Là, ouais. Comme par exemple, ouais. Il faut... là, c'est vraiment un exemple, là, c'est gros, mais tu pourrais avoir créé ta propre entreprise ou encore ta propre organisation non gouvernementale. Ah, cool. Donc ta propre ONU junior. Oui, ouais. C'est ça, mettons. Donc, le sommet va être articulé par différentes sessions qui va porter sur la résolution de conflits, la santé, le leadership, la business, l'environnement, le droit de l'homme, l'éducation ou encore même la religion. Donc, à chaque session, il va y avoir des consultants de haut niveau ou des gens qui font des conférences, donc des conférenciers de haut niveau qui vont être invités à se joindre aux jeunes leaders qui vont être présents et qui vont justement travailler avec eux pour organiser quelque chose pour le futur qui devrait, espérons-le, arriver d'ici quelques temps, là, voir les changements dans un avenir quand même assez rapproché. Cette année, en 2016, c'était ici au Canada, à Ottawa. Dans le passé, ça a été en Thaïlande, en Irlande, aux États-Unis, en Angleterre, en Afrique du Sud. Et les années à venir, si jamais vous voulez postuler ou quoi que ce soit, eh bien, sachez que en 2017, ça va être à Bogota, en Colombie. Et en 2018, ça va être à La Haye, aux Pays-Bas. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais mettre le lien pour la page Internet de One Young World où vous pouvez avoir tous les détails à comment participer à ça. Et sachez que nous, on a des ambassadeurs canadiens qui sont en action dans ça. On en a quand même beaucoup, là, si je regarde, on en a une dizaine, douzaine. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on en a juste un qui est québécois et il s'appelle Eliott Véro. Si vous allez sur la page, justement, de One Young World, vous allez pouvoir voir et regarder tous les ambassadeurs un petit peu partout dans le monde. Et si vous voulez aller voir les Canadiens, chacun a une espèce de résumé sur leur page. Mm-hmm. Exactement, un profil. Vous pouvez voir ce qu'ils ont fait. Peut-être même vous bâtir sur eux ou rentrer en communication avec eux, savoir comment est-ce que ça s'est passé, comment est-ce que c'est. Et ça, c'est quelque chose que je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus, que les jeunes vont passer à l'action, les jeunes vont s'impliquer de plus en plus. Et hier, j'ai posé la question à deux personnes qui sont aucunement de la même génération que nous, Mathieu, à se demander pourquoi est-ce que vous, c'est pas nécessairement quelque chose que vous faisiez. Mm-hmm. Tu sais, est-ce que vous vous rendez compte que les jeunes d'aujourd'hui font cet avancement-là, tu sais, prennent les devants, vont s'impliquer, et pourquoi est-ce que vous, c'était pas nécessairement quelque chose que vous faisiez? Et la réponse a été, on n'avait pas nécessairement les ressources pour le faire. Okay. Votre génération a vraiment été axée sur la technologie. Ça l'a aussi amené toute l'ouverture mondiale sur le monde. Tu sais, avant, nous, on était dans notre maison. On avait la bibliothèque, on avait le journal. Il y avait plus de temps, pourtant, il y aurait pu, mais... Mais on avait aussi beaucoup plus de jeunes avec nous. Ouais. Des enfants. Des enfants. Les familles étaient beaucoup plus grandes. Donc, de ce côté-là, l'implication sociale n'était pas nécessairement un besoin et c'était pas nécessairement non plus une envie parce que tu jouais en tant que jeune avec d'autres jeunes. T'avais déjà assez de d'enjeux. Exactement. Et ce qu'on me disait, c'est que la différence qu'on voit, c'est que bien évidemment, les familles d'aujourd'hui sont un peu plus petites que ce qu'elles étaient dans notre temps. Et que ça amène justement à une espèce d'individualisation du jeune qui amène à vouloir connaître d'autres jeunes, mais à vouloir s'impliquer aussi socialement, ce qui amène cette différence-là dans les deux générations. Ce que j'ai trouvé très, très intéressant, parce que moi, je pensais que c'était juste un pas vouloir de leur génération quand ils étaient plus jeunes. Et en fait, quand on a commencé à parler de technologie et d'ouverture sur tout ce qui se passait dans le monde, c'est vraiment là que j'ai réalisé que oui, c'est vrai, si on n'avait pas, exemple, Internet, si on n'avait pas, par exemple, Facebook, probablement que les jeunes d'aujourd'hui seraient moins impliqués socialement et mondialement à cause de ça. C'est pas leur petit magazine pour filles là, qui leur aurait dit dans Cool Magazine. Non, pas vraiment. Hein? Et faire ça. Je pense pas. Mais j'ai trouvé ça très intéressant et je trouve ça très intéressant aussi que les jeunes s'impliquent de même, que ce soit dans un sommet comme One Young World ou encore dans d'autres projets. On le sait, on a déjà parlé d'entrepreneurial, de tout ce qui est fibre entrepreneuriale ici au Québec. C'est quelque chose qui se voit de plus en plus. Donc, on crée cette espèce d'engouement-là, à savoir mettre en place notre propre futur. Ce qu'il m'expliquait aussi, c'est que quand eux étaient plus jeunes, on leur disait « c'est ça, c'est comme ça, va-t'en là. » Aujourd'hui, c'est il n'y a pas personne qui va me dire quoi faire, je vais aller chercher moi-même ce que je veux. YOLO. Swag. C'est la différence. C'est ça. Voilà. Magnifique, ça. Wow, une chronique remplie d'informations, oui, très, très concrètes aujourd'hui. On est maintenant plus au courant de ce que c'est l'ONU et de tout ce qui entoure ça. Merci Tania Baudin. Ça fait plaisir. Une autre chronique du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Ici même à Assemblage Rock. Minuscule pause. Au retour, Gabriel Béaud est dans les coulisses de la lutte. Restez avec nous. Rassemblage Rocky en ce mercredi 5 octobre 2016. Il est Tania Baudin. Et Mathieu Plante. Oui. À l'habitude, on a un petit avant-goût de la voix de Gabriel Béaud à la fin de la chronique d'avant. Hey, oui. Là, aujourd'hui, on n'a pas ça. On commence directement de ses sens. Straight pipe. Je n'ai pas laissé parler. C'est ça. Ça manque un petit peu de lubrifiant sonore auditif. Oui. Oui. C'est un peu ça. Voici Gabriel Béaud dans les coulisses de la lutte. Flock. Hey. Maintenant qu'on est lubrifié, salut Gabriel Béaud. Salut, ça va? Ouais, toi? Oui, très bien. Ouais, est-ce que tu mets quelque chose dans ta barbe pour qu'elle soit aussi lustrée comme ça? Non, je prends des douches. Ah bon? Je prends des douches. Ben, c'est un conseil qu'on vous donne comme ça pas ce matin. De temps en temps. C'est gratuit. Oui. Ah, donc Gabriel Béaud qui est capitaine de l'équipe des Rouges, la Luit, oui. Qui est ici oui. Chaque semaine pour nous parler du match d'improvisation qui a lieu le lundi soir à la Chasse-Galerie. Oui. Match qu'on a eu cette semaine, un match relevé. Oui. Épicé, oui. Rempli de pénalités. En effet. Je dirais, entre les Rouges et les Bleus. Oui, exactement. Ouais. Donc, dans le fond, dans l'équipe des Bleus, il y avait Vincent Réville qui est capitaine, il y avait M. Zouéki, Mme Chessir, M. McLeish, et puis la substitution ne jouait pas puisque l'équipe était complète, mais la substitution dans la foule, Jeannie Gagnon-Pellerin. Oui, tout à fait. Et puis, on s'est ennuyé d'elle. Exact. Dans mon équipe, la substitution jouait, c'est Karine Perron. Il y avait aussi Magali, puis Alex Marchand. Karine Perron qui remplaçait pour une deuxième fois Marc-André Fortin, qui jusqu'à maintenant ne s'est pas présenté à lui, mais est dans l'équipe. Oui. Il est aux îles de la Madeleine, le gars. Ah. C'est ça qui arrive, c'est pas à part. Pas à part. C'est ça. Non. C'est pas grave. Le match a eu lieu quand même, malgré l'absence de ce joueur vétéran de la Luitre. Oui. Comme je dis, il y avait eu énormément de pénalités de la part de Véronique Gagné. C'était son premier match en tant qu'arbitre. Donc, on sait qu'elle a le doigt sur la gâchette. J'espère qu'elle va pas faire ça à chaque fois, parce que c'est compliqué de compter les points dans ce temps-là. En effet, ça peut mener à des imbroglios majeurs. Absolument. Il y a eu des pénalités personnelles et des pénalités d'équipe. Personnelles, deux à la même personne. Le nouveau. Oui, Xavier McLeish. Xavier McLeish qui s'est fait sacrer dehors. Ouh, voilà. On n'y est pas avec le puck, hein? Non, il s'est fait montrer la porte en moitié de deuxième période. Oui, il est allé se changer, il a mis sa petite chemise hawaïenne, et est revenu en foule, puis c'était bien. Et voilà, donc ça arrive. Est-ce qu'il y en a qui se fâchent, puis qui flippent des tables, puis... Non. Non? OK, au moins. S'ils non, parce que généralement, là, quand... Ouais, exact. Ouais. Puis généralement, là, quand tu pognes ta deuxième péno, là, tu... Généralement, t'as mérite. Ouais, tu le sais. Tu sais un peu qu'est-ce que. Tu savais un peu qu'est-ce que t'allais faire quand t'as pas. Tu pensais que ça valait peut-être la peine pour gagner le point, pour peut-être gagner le match. C'est ça, des fois, ça arrive. Ouais. Malaise. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Donc, Véronique qui a donné, je pense, j'irais une pénalité au moins par impro. Elle ouais. a peut-être skippé une fois de temps en temps. Non, mais ça a été. Elle a sévi, souvent avec raison. Oui. Tout à fait. Bien expliqué. Les capitaines essayaient de s'en sortir, mais ça n'a pas fonctionné. Super. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait dans le match aussi hier? On a eu le droit à plusieurs nouvelles catégories. Oui! Moi, j'ai une que j'ai particulièrement aimée, c'était la catégorie audition. Oui! Donc, on passait une audition pour... cette fois-là, en plus, c'était quand même assez somptueux, c'est qu'on passait l'audition pour Célibataire et nu. Est-ce que tu connais ça, Tania, Célibataire et nu? Je connais, mais j'ai jamais regardé. Ça continue de même. Tu sais déjà ce que c'est sans l'avoir regardé. Au nombre de fois que l'annonce, ça passe. C'est ça. Mais bref, tout le monde dans chaque équipe, c'était une longue impro. Là. Une impro étirée pas mal avec 8 personnes qui passaient des auditions devant l'arbitre qui jouait l'intervieweuse et posait des questions. C'est ça. Donc, on passait le petit interview pour savoir si on allait faire partie ou non de l'émission Célibataire et nu. Puis on a eu droit à plein de très belles propositions. Une bonne sœur. Oui, une bonne sœur. Une mamie. Oui. Un transgenre. Oui. Un poète. Mm-hmm. Intellectuel. Quelqu'un qui s'était trompé de... Ça, c'est moi, c'est fait ça. qui s'était trompé, qui s'en allait à l'audition de la voix. Et ce n'était pas le petit Jérémy. Non. On est pas... C'est tout soon. C'est ça, c'est trop récent. Tout soon. Je pense que la radio publique, c'est fou. Universitaire n'a pas les moyens de se défendre contre le petit Jérémy. Faut pas dire son nom. Juste non, ça, non, si non, c'est déjà non, une attaque à sa vie privée. Ça peut coûter très cher. Ok, excuse-moi. I don't care. Mais voilà. Sinon, quels autres on a le droit à des nouvelles? Est-ce que j'ai la feuille de points? Je pense que j'ai la feuille de points avec moi. Oui, Colin, que j'aime ça. Frédéric Simon, nouveau co-animateur de la lutte pour cette année-là, m'a fait une belle petite feuille, bien mieux faite que celle de l'année passée, m'a dit Benoît. Voilà. Donc, il y avait examen routinier, costume bleu, VIP, stationnement égaré, lieu imposé. Ça, c'est dans les toilettes. Il fallait absolument faire une improvisation dans les toilettes. D'un party d'ado. Ouais, d'un bloc appartement, je pense. Ça ressemble à ça. Oh, oui, parce que le thème, c'était l'étranger du deuxième. Okay. Mais oui, ça a donné ça, en fait. Mais non, l'idée était bonne, surtout qu'on a tous ce référent-là, un fameux party d'ado. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ouais. Sinon, il y avait aussi l'impro littéraire qui était de retour en deuxième partie de match. Et là, il y avait un long texte sur Pierre Falardeau. Oui, qui appelait à la résistance. À la résistance, c'est le mot-clé qu'on avait choisi, résistance. Voilà. Ouais, ça c'était donc, cool. C'est bien de me revenir. Une chance que j'ai la feuille, sinon je savais pas où je m'en vais. Mais l'improvisation où on imposait une position sans la mentionner, l'impro avec un selfie, tu t'en rappelles, ça? Ah, oui, exact. Donc, il fallait prendre à l'insu de tout le monde un selfie, imaginaire ou non, durant l'improvisation. Donc, je pense que ta façon de le faire était la meilleure. Se tromper d'application. C'est ça, je me suis trompé, c'était parfait. Il y avait un chien guide ou c'était un humain qui était le chien guide? Oui, un programme de la société. Le courrier du cœur. Ah, ça, c'était pas pire. Oui, ça, j'ai bien aimé ça. C'était comme un peu le même principe qu'un impro littéraire. Donc, le thème, on choisissait un des deux thèmes. Et puis, les thèmes étaient c'est très simple. C'était des titres de chroniques de Louise Deschâtelets. Oh mon Dieu! Et puis, qui n'a jamais lu ça devrait le faire, puisque c'est quand même assez... Mais écoute, Louise Deschâtelets, pour vrai, d'avoir réussi à trouver une job où tu as juste à copier-coller à l'aide de la personne, écrire un paragraphe de 3 lignes, puis c'est ta job pour la journée. Voilà. T'es chanceuse. Sois reconnaissante. J'ai tenu mon CV. Le courrier du cœur de M. Hood. Ce serait pas vrai? Oui. Dans un gars plus. Back in the hood. Ah, yeah, ce serait incroyable. Pour vrai, ce serait hot, en maudit. Pour vrai, là. Je suis sûr que ça pognerait. Mais on n'a plus de bande dessinée. On a perdu Alexandre et Miss Wiki, malheureusement. On n'a plus de jeu dans le journal. Une petite chronique courrier du cœur humoristique. Tu pourrais prendre les hashtags spotted UQTR puis leur réponse. Oh my god. Ou fais ça à la radio. Hey, garde ça pour nous autres. T'as bien, voyons. Okay, on l'a fait à un moment donné, hein. Ouais, c'est ça. On a pas assez proche de le faire. On va garder chronique ça. Chronique de même. Bref. Tout ça pour dire que là, on a fait le tour des improvisations. Il y en a eu une treizaine. Ouais. C'est comme une douzaine de pâtissiers. Donc, les étoiles sont. Chez les Bleus, Alexandre Laramie-Zouiki. Oui, ils ont joué un excellent match. Mm-hmm. Chez les Rouges, la nouvelle, la recrue Karine Perron, que j'ai appelée Karine Pierre sans faire exprès, parce qu'on est sur Facebook, c'est ça? Non, exact. Elle a joué un très fort match. Oui, on s'attendait pas, pas qu'on s'attendait pas à ça, mais l'année passée, elle avait fait le camp, elle n'avait pas été choisie. C'est-à-dire, elle a fait le camp, non seulement ça, mais elle a été choisie comme joueuse substitut. C'est cool pour elle. Oui, en effet. Puis jusqu'à présent, au moins, la chance de jouer à date dans l'équipe des Rouges. Et puis moi, je peux pas être plus content que ça mon substitut cette année. C'est le fun, hein? C'est toi qui l'as choisi. Ouais, c'est une belle histoire. L'étoile de l'arbitre a été donnée à la chanteuse théâtrale Alexandrine Puchessire pour sa bonne performance. Qui est, elle, dans l'équipe. Quelle couleur cette année, Alexandrine? Bleu. Bleu, Mathieu. Bleu, excuse-moi, elle était un rouge, rouge avant. Tu sais, je le savais. Je veux même pas à l'impro. Elle a mis sa photo sur Facebook. C'est vrai qu'ils sont belles, les photos. Parlons-en. Hein. Si vous allez voir la page de chaque joueur de la Luître, vous allez voir les photos photobooth qu'on a pris avec notre Julien Taps, photographe professionnel. Oui. Et puis, non, les photos, c'est vraiment cool cette année. Le concept, c'est le photobooth. Un peu comme les personnes qui ont un Mac. Là. Un photomaton, qu'on appelle. Oh. En français. Donc, on a un concept de photomaton. pour ceux qui ont un Mac, c'est vraiment genre. Non, mais y a on ça, imite la technologie du photomaton qui était dans les centres d'achat. Puis là, soudainement, c'est comme. Ben oui, c'est mais... comme si t'es rendu la marque de commerce du Mac. Ben oui. Mais t'as raison, pareil. Ben je sais. Ben je sais pas. C'est un peu là pour chialer, ça. Mathieu. Bref, photomaton, c'est le fun. Tout le monde avait quatre photos à prendre avec des objets de leur maison, des objets du local de la Luître. Ouais. Peu importe. Vraiment cool. Donc, allez voir ça si ça vous intéresse. C'est sur le site écouteur.ca. Mais oubliez pas les 3W parce que ça marche pas. Non, voilà. Faut faire www.écouteur.ca barre oblique impro. Barre oblique vers l'avant, évidemment. Et barre oblique impro, en effet, c'est dans la page équipe. Ça, c'était pour le match qui avait lieu hier, avant-hier. Je suis pas encore habitué au mercredi matin. Ça pour dire que le prochain match, ça va pas avant jeudi de la semaine prochaine. Oui, un match spécial contre l'AI, l'Association d'improvisation ludique. C'est une petite ligue d'impro qui se forme à Trois-Rivières. Pour le fun, c'est marqué dans le nom, hein, ludique. Mm-hmm. Ouais. C'est les gens qui n'ont pas été prêts à l'MP à lutte, des fois. Ça arrive. Ben, ça arrive. C'est ça. Et puis, non, c'est une belle petite ligue, puis on va les recevoir ici à la chasse. Oui. J'ai vu la liste des joueurs et je crois qu'il y a des gens qu'on connaît de la lutte qui vont jouer là-dedans. Oui. C'est cool quand même de voir ça parce qu'ils sont dans les deux ligues. Exact. Ils ont choisi leur bord, faut croire. C'est ça, donc. Les traîtres. Le 13, ils vont être là à la chasse galerie. Ça commence à 20h30, hein, tu savais, une demi-heure plus tard qu'à l'habitude. Oui. Je savais. Dis-moi pas des affaires la même. Oui, oui, j'étais très au courant. Donc, ensuite, on a le lundi 17 octobre, on a un match vert contre orange. Mm-hmm. Donc, ça peut pas être plus automnal que ça comme couleur. Oui, tout à fait. Ça aurait pu être vert et orange aussi. C'est vrai? Oui. Rouge et orange. Ben, et orange. Mathieu, le... Ah, ça aurait pu être... C'est plus Halloween, même. Oh oui. Oh. Qui s'en vient. D'ailleurs, le 31, il y a un match entre les verts et les rouges. Hey, tu vas loin. Je sais. T'as ben trop loin. Les gens s'en rappelleront pas. Mais là, Mathieu, là. Hein? T'es jamais content, hein? Vous m'avez ouvert la porte, là. Je pense que c'est Sébastien Vigartin qui m'a dedans. Là, exact. Vous m'avez ouvert la porte, là. Puis là, je suis présentement sur le spotet du QTR. Ah ouais. Puis. Puis qu'est-ce qu'il se dit là-dessus? C'est ça que je cherchais, mais il y a quelque chose qui m'a bien fait rire. Ça a l'air qu'il y a un beau brun. Bien musclé, qui était assis je l'ai vu, à la passerelle entre le pavillon de la santé et le pavillon de la chiropratique lundi vers 13h30. Ah, là, c'était pas bon. Je vais juste vous dire qu'il devait avoir erreur parce que j'étais en cours. tu avais un chandail foncé, décontracté, juste comme je les aime. Oh! T'sais. Pas trop, pas assez. Pas assez. Mais ce qui est drôle quand tu t'as quelqu'un, parce que je connais des gens qui ont spoté des filles ou des gars sur Spotted, là, ça. Je connais des gens. C'est peut-être genre, les gens répondent soit à des gags, soit genre des personnes que c'est clairement pas eux autres. Voilà. Soit des commentaires genre, ouais, c'est ça, c'est quoi, genre, tu cherches une fille à te taper. Non. C'est comme moi, mais c'est un peu ça le but du Spotted, fait que ta Non, mais je veux dire. Non, Mathieu, Spotted, c'est l'occasion de rencontrer des gens via le couvert de l'anonymat. Et faire des pubs pour vendre ta passe de stationnement. Hein. Ouais, oui, surtout. Et t'es parti de financement. Ça sert à tout, Spotted. Ouais. Et à rien, en même temps. Il y a des vélos volés. Ah. Pour se retrouver là-dessus. À vendre ou quelqu'un qui s'est fait voler son vélo? Quelqu'un qui dit, genre, j'ai un vélo qui est volé, voulez-vous me l'acheter? Non, quelqu'un qui s'est fait voler son vélo. OK. Êtes-vous membre de Spotted Client de Marde? C'est le meilleur. Oui, c'est quand même pas pire, ça. Et Spotted Tinder? Ouais, non. Spotted Tinder, je suis pas là-dessus, mais ça donne pas pire. Ouais, j'aime bien ça. Bref, chacun sa page Spotted préférée. Même si des fois, il y a des pages Spotted qui servent absolument à rien. Genre Spotted... Centre d'achat les rivières. Centre d'achat les rivières. Il y a personne là-dessus. Il y a un spot aux deux mois. C'est peut-être juste les gens qui travaillent là. C'est ça. Spotted Studio, c'est fou, c'est pas pire, ça. Ouais. Aïe, aïe. Je suis sur le spot de Tinder, puis il y a des gens qui sont particulièrement gras dans leur réponse. Pas exprès. Puis après ça, pour vrai, là, sur cette page-là, c'est genre la personne qui a écrit le message malaisant qu'il poste lui-même sur Spotted Tinder. Oui, parce qu'il se trouve comique de répondre des insanités. Ben oui. C'est ton genre, hein, Gab? Ben, peut-être pas. Là, je suis sur un qui est particulièrement vulgaire, ça. Hein? Lise-le en censurant des mots, mettons. OK. My God, je sais pas lesquels censurer. Donc, la demoiselle envoie le « et » il y a 49 minutes. Donc, lui, répond après 49 minutes. Moi, je vais juste d'en face parce que j'ai de l'argent en motadine. Motadine, on peut substituer ça par un sac. Et puis je veux pas payer de pension. Aïe, aïe. Donc, la fille de répondre « What the fuck, c'est dégueulasse. » Puis le gars, il dit « Ben voyons, c'est une petite bague. » Donc, ouais, le message bizarre, est-ce qu'il est à droite ou à gauche de la fenêtre? Oh, il est à gauche. Oh, ça veut dire que c'est la personne qui l'a reçu. Ouais, exactement, qui l'a posté. Au moins. Oui. Au moins. Ça, c'est la savoir. Ouais, quand même assez, hein. Ouais. Mais il y en a, là, ça doit être cru. Ah non, je peux pas dire ça. Il y a des drôles en haut, t'as dit. Je voulais savoir, moi, je sais plus. Donc, la personne envoie « Je suis là. T'es où? C'est quoi ton auto? » En avant, un Mazda 3. « OK, j'arrive. » Je dois te dire quelque chose avant, par contre. J'ai envie de... OK, j'étais pas rendu. Avoir les yeux à Gab. Ouais, d'après moi, on peut pas lire le message. Non, ben, je vous invite à aller consulter cette page-là. Je l'avais jamais faite, Mathieu, puis c'est vulgaire, mais particulièrement drôle. C'est comme là, plaisir. Les trois, présentement, je suis sûr qu'on est sur Spotted Tinder. Oui. C'est la meilleure place pour vrai. Pour en revenir... Non, mais c'est parce que, excusez-moi, mais avez-vous, les gens qui envoient ça à Spotted, là, t'as-tu remarqué qu'ils sont tagués? Ouais. Hein? Ben souvent, quoi? Oui. Genre, ça tag le fait que c'est toi qui as envoyé. Ah, ouais. Non, c'est pas vraiment ça. Ben, les gens reconnaissent, j'imagine, les photos, là, parce que les photos sont pas embrouillées. Ouais. Moi, ça revient à... Avez-vous déjà été sur des groupes? Moi, j'étais sur deux, qui ça me fait bien rire, là. C'est Black Market, Rive-Sud. Non. C'est comme un truc de style Longueuil et environ, là. C'est des gens qui ça a l'air de trois quarts, ça a l'air du stock volé. Oh. Mais ils vendent des vieux jeux genre NBA Jam 2009. Trois pièces! 2009? Ouais. Ouais, puis ils vendent tellement de cochonneries là-dessus. C'est les personnes les plus drôles à troller. Parce qu'ils savent pas qu'ils sont en train de se faire troller, mais vraiment pas. Ça, parfois, ils demandent « Off sérieux seulement! » Fait que... Ah, j'avoue, c'est fort. Puis des Kijiji aussi, il y en a plein des bonnes pubs sur Kijiji. Oui, d'ailleurs, si jamais vous voulez faire un bon tour à une personne, moi et mon ancien coloc, qui est un de mes très bons amis, on avait fait une bonne blague à un de nos collègues d'école. On avait mis une pub, on lui faisait vendre, dans le fond, un set de Toupie Beyblade à un prix ridicule, comme 22 Toupie Beyblade avec la l'arène puis les patentes là, pour les lancer. Là. 9 piastres, puis c'était des toupies de compétition, il voulait passer le flambeau à un jeune. En tout cas, une pub vraiment bidon. Ce gars-là s'est fait réveiller le lendemain matin à 7 heures par 7-8 appels de gens qui voulaient... Il y a quelqu'un de Saint-Jean sur le Richelieu qui voulait faire deux heures de char pour venir chercher tout. Pogner ça à 9 piastres. Oh. Hey, c'est un aubaine. Deal, c'est un bon deal. Ah oh, non, c'est une aubaine. C'est l'aubaine du siècle. Puis aussi, on lui a fait vendre... on a pris une pub de motocyclette. Okay. On a pris exactement les mêmes photos. On a modifié un petit peu la description pour la rendre un petit peu comique. Puis nous, c'était tout qu'un aubaine. Elle était 2500 pièces de moins. Ouais, OK. Fait que sa moto est en demande. Laisse-moi te le dire. Excusez. Vas-y. Je suis sur le côté de Tinder. Il y a un gars qui écrit « Canine que vous êtes belle ». Là, la fille, elle répond « Canine ». Là, le gars, il dit « Dans le fond, je voulais écrire « Caline », mais dedans, il écrit « D-E-N-T ». Elle dit « Ça suffit, les jokes dedans ». Là, il écrit « Ça m'a l'air », comme tu comprends. Ah, c'est-tu toi, ça, Mathieu? Non, Mathieu, ouais. C'est toi, hey, ça. Mathieu, c'est sur Tinder. Mathieu, hey, c'est sûr, c'est toi qui écris ça. C'est ton genre de gag. Oui, oui. Vraiment pas. Oui, vous me connaissez mal, vous me jugez. Ça m'a l'air. Persécution. Ah oui, c'est vraiment ton genre. Persécution. Oh, moi, j'abandonne ici et je nous donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus de niaiseries de même. D'ici là, vous avez passé tout votre temps sur Spotted Tinder, j'en suis certain pour le reste de la journée. Donc, Gabriel Béhou, de chroniqueur de Dans les coulisses de la Luître. Ça m'a l'air. Ah, incroyable. Je suis dans les coulisses de la Luître. Il y a un gars, son... Vas-y. Son compte Tinder, il s'appelle J'ai même pas le goût de le nommer parce que peut-être qu'il va se reconnaître. Oui, ben vas-y, c'est Jean-Pierre-Olivier, 24 ans, Université Laval. Salutations. Allô. À toi. Je l'ai fait. Sa description, c'est « Je travaille pour le gouvernement, fait que je vais sûrement trouver le moyen de te fourrer. » Ah, au moins, il est honnête. C'est terrible. Vraiment. Voilà. Ouais. Hey, y a des gens qui ont pas d'allure. C'est ça. Ah, j'ai perdu le contrôle de cette chronique-là il y a au moins 5 minutes avec ça. Avec PO. Ah. Mercredi prochain? Est-ce que tu viens mercredi prochain pour annoncer... Ben, je peux. Tu peux? On n'aura pas grand-chose à se dire, mais on fera comme on fait là. On lira des spots de Tinder. Sûrement, oui. Il n'y a pas de problème. Mercredi prochain à 8h30 pour notre chronique qui est dans les coulisses de la nuit. Merci, Gabriel. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À bientôt. On écoute J. Arner, Crystal Ball, à son âge requis sur C'est fou. Honor avec Crystal Ball. Assemblage requis, oui, comme on dit à chaque fois, testicule et cristal. Ça reste toujours drôle à chaque fois. Oh, dans la pause, on s'achète des choses dans Ça existe, mais ça ne devrait pas. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89. Assemblage de qui? Oui. Assemblage de qui? C'est Assemblage requis jusqu'à 9h30 en ce mercredi 5 octobre 2016. C'est Tania Baudin. Et Mathieu Plon. Mm-hmm, on est ensemble pour une dernière demi-heure. Je m'en occupe de cette dernière demi-heure-là. Ah ouais. Elle m'appartient. D'accord. Mm-hmm. Autant que l'argent que je dépenserai sur les produits que voici. Dans Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Ready? Ça existe, mais ça ne devrait pas. On a la chronique où on achète des gadgets sur Internet et où on le regrette instantanément. On commence avec... Oh! Tu vois, je pensais que c'était un article d'une grosse pointe à l'adresse tellement qu'on voyait une pointe de pizza et deux saucisses, mais non, ce sont les cuisses de la fille et j'avais pas scrollé assez. C'est une joke. Avoue qu'elle a vraiment des cuisses en saucisses. Mais je vais t'avouer que j'aimerais bien te dire oui, mais je suis pas capable d'ouvrir le livre. Oh, c'est plate, mais bon, c'est pas grave. On parle d'une serviette de plage en forme de pizza. Tout ce qui est plus simple, donc une serviette ronde avec des tranches de pepperoni dessus. Ça a l'air d'être une pizza pepperoni fromage. Je trouve ça un petit peu plate, là. Ouais. Un petit peu plate, mais bon. Donc, ça coûte 50$. C'est disponible chez Pizza Towels. Oui, oui, la boutique pizzatowels.com. C'est un commerce qui ne fait que ça. Donc, c'est 1,5 mètres ou 5 pieds de diamètre imprimé donc sur une serviette en tant que telle. Ça vient dans une boîte de pizza en plus quand tu l'achètes, pour vrai. On peut choisir une pizza au fromage, une pizza végétarienne ou une pizza pepperoni. Il n'y a pas de all dress, il n'y a pas de canadienne avec du bacon et des affaires comme ça. Il n'y a pas de cheeseburger, il n'y a rien de tout ça. Ah, c'est triste. Mais parfait pour l'été, passer un petit peu de temps au barbecue qu'on appelle la nature. Mais... Ensuite, c'est un sac pour transporter vos affaires, mais un sac avec la photo de votre animal de compagnie préféré dessus. Non, hein? Mon Dieu, il n'y a rien de plus qu'éteint que ça. Absolument pas. Donc, ça s'appelle Tote Tales, T-O-T-E-Tales.com. C'est leur site web. C'est une compagnie donc, qui fabrique des sacs qu'on pourrait utiliser pour le sport, pour amener justement une serviette de pizza. Mais avec la photo de votre animal de compagnie, c'est tout simple. Vous leur envoyez la photo et ils vous renvoient un sac après quelques semaines. C'est par le courrier que ça se fait. Il n'y a pas le prix dans l'article, malheureusement. Ah. Non. Mais j'imagine que je suis sur le site web, on va pouvoir en savoir plus. Toujours. L'Internet va bien par moment, mais après ça, ouais, il lâche. Ouais, c'est ça, c'est pas super. $75 US. Ouais. Pour le Tote Tales. Oh. Point com. Ensuite. Non. Ah oui, c'est une ligne de bijoux pour les barbes d'hommes. Est-ce que t'as vu passer ça? Oui, j'ai vu passer ça. C'est la nouvelle mode, apparemment. Être hipster, avoir une grosse barbe, c'est quand même à la mode en ce moment. Le gars a en plus des cheveux très, très longs. Donc, le combo... Ouais, lui, je tiens à dire que ça fit, là. Il a l'air d'un gars dans un ben. Absolument. Il a les cheveux longs et lisses. Le côté rasé sur sa tête et sa barbe est très, très, comment dire, poil de barbe. Donc, ça fait comme un mélange entre le lisse et le rugueux, qui a quand même de l'allure. Il a une grosse moustache aussi qui vient couler dans sa barbe. Bref, c'est un hipster, on dit. Maintenant, c'est un design de Creto Milano Jewelry qui est présentement en train de ramasser de l'argent sur Kickstarter. Ils se sont à peine rendus à leur but, mais ils ont réussi à l'atteindre. Ça coûte $35. C'est des crânes, cristaux et encre de bateau qu'on peut clipper à la barbe. Hmm. Ouais, c'est un genre. J'imagine que tu peux choisir, en fait, tu peux choisir la place où tu la mets dans ta barbe. Ça pourrait être dans le milieu, ça pourrait ouais, être probablement. Sur les côtés, ça pourrait faire une ligne, ça pourrait faire un petit collier de barbe. Chose comme ça. Creto Milano. Le gars, dans une des photos plus loin dans l'article, porte un fedora, un chapeau, en plus d'une barbe, en plus du bijou et en plus d'un lobe d'oreille étiré avec un bijou de Il y a le combo parfait et une couette, un ponytail, une queue de cheval sur le côté. Tout pour plaire, voilà. Ensuite, une sacoche, on a parlé de sac tantôt, c'est une sacoche avec des lumières LED, c'est comme de la mode du futur. Hein? Ça s'appelle la Cat Clutch. 4 pour Creative Arts and Technology, art créatif et technologie. Donc, les lumières LED s'allument avec une animation artistique personnalisée ou encore des messages textes, tout ça préprogrammé. C'est présentement en précommande, disponible pour le mois d'octobre. Vous pouvez voir leur site web sur creativeartsandtechnology.com. C'est une genre de sacoche, ça ressemble plus à une boombox ou à un haut-parleur Bluetooth, quelque chose comme ça, qu'à une sacoche. C'est très, très prisme rectangulaire. Très valise, ouais, hein? Presque, mais une mini-valise. À la place d'avoir une courroie confortable, t'as une chaîne pour tenir ta sacoche. Ça arrive souvent quand t'es une fille. C'est pas la chose la plus confortable, mais faut souffrir pour être belle. Hein? Et voilà. Bon. C'est ce qu'ils disent, en tout cas. Les animations sont super cute. Quand même, ça peut valoir la peine si vous êtes le genre à aimer les choses qui bougent un peu japonaises. Ça peut être cool. Ensuite, je sais très bien que tu te cherches un déguisement d'Halloween. Eh oui! Et t'hésites présentement, faut pas le dire. Hein. On peut le dire. T'hésites entre un extraterrestre, un alien ou encore un robot. Là, je lui ai dit, fais un robot alien. Oui. Mais ça a pas l'air de marcher à date. Est-ce que ça marche? Je trouve plusieurs vidéos qui pourraient bien m'aider, oui. Tu cherches des didacticiels de maquillage sur YouTube en ce moment? C'est moi en français, Tania, ouais. J'avais jamais entendu ça, mais oui. Les gens qui disent tutoriel ont tort. Oui, parce que oui, tout à fait. Pour les gens qui auraient des idées de costumes pour moi, allez sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Non, je n'accepte pas pilote de Formule 1. Ou canard. Hier, elle a eu canard et on comprenait pas pourquoi. Donc, ne te déguise surtout pas en ça parce que ça fait peur en Titi. Oui, vraiment, hein? C'est une décoration d'Halloween, en fait, qui a été retirée des tablettes après plusieurs plaintes. C'est le Scary Peeper Creeper Halloween. C'est vraiment méchant. Ça coûte 30$, c'est vraiment... tu sais, mettons, quand dans les films d'horreur, t'as quelqu'un qui te regarde par la fenêtre, oui. un creeper, ben c'est une décoration d'Halloween où t'as l'impression, tu mets ça dans la fenêtre de quelqu'un ou la tienne, oui. et c'est comme si quelqu'un regardait dans ta fenêtre avec les mains autour de sa face pour mieux voir en dedans. C'est vraiment peurant parce que ça a l'air super réaliste. C'est en genre de latex, j'imagine, donc ça a l'air vrai. Ça a récemment été retiré des Home Depot au Canada. Mais j'espère bien. Ouais, plusieurs gens qui magasinaient en ligne se sont... ceux qui magasinaient en magasin se sont plaints. Il est encore disponible en ligne, si vous le voulez, sur le magasin de Home Depot. Et c'est aussi disponible, ça, Tania, là. Déjà, tu trouves ça épeurant, ça? Oui. C'est disponible en version activée par le mouvement. Non! De taper dans la fenêtre. J'ai des frissons en c'est ce moment. C'est sérieux? C'est vraiment terrifiant, pour vrai. Je suis pas le genre de gars qui aime l'horreur tant que ça, donc ça me fait vraiment peur. C'est clair que ça me ferait vivre des émotions. Oh non, t'es pas sérieux. J'ai pas envie de vivre. J'espère que ça aussi, ça a été enlevé. Des magasins physiques, oui. En ligne, non. C'est encore disponible. Donc sur. Montez les tables de fenêtre. Ouais. Il y a la vidéo. Je refuse. Il y a la vidéo sur assemblagewiki.com. C'est de voir de quoi ça a l'air en vrai. Là. Non, pas mon genre du tout. Oh mon Dieu, que c'est creep. Ensuite. Est-ce que tu as de la misère à économiser de l'argent? Oui, parce qu'on n'a pas d'argent comme ça. Voilà. Mais bon. Vous pouvez maintenant faire plonger la monnaie de votre dur labeur dans une trompe d'éléphant. C'est super cute. C'est la Ellie Elephant Bank, disponible en noir, en blanc et en rose sur Monkey Business Designs pour 15$. On peut faire rouler, en fait, c'est que tu mets la pièce sur le haut de sa trompe. Oui. Et ça va rouler sur sa trompe jusque dans la fente de l'éléphant. C'est tout. Il n'y aura absolument rien d'autre à dire que ça. C'est rien du tout. Hein. Ensuite, un blouson maintenant qui peut ranger votre ordinateur. Tu sais, des fois, quand tu dis « crée mon iPhone 6S ou 7 Plus est tellement gros qu'il rentre à peine dans ma poche de pantalons », ben imagine un portable genre un MacBook Air, comment ça rentre pas dans ton manteau. Ben maintenant, c'est plus le cas. C'est plus le cas. On c'est règle possible. Le problème. Scott Evans te propose une ligne de vêtements pour remplacer vos sacs. Et leur plus récent blouson s'appelle Off the Grid, qui peut même accueillir votre ordinateur. Dans ce blouson, pas comme les autres, pas moins de 29 poches, dont deux spécialement conçues pour accueillir votre ordinateur portable. D'autres, votre smartphone, votre tablette ou vos gadgets RFID. Ça, c'est ce qui protège le clonage de votre carte. Et le blouson intègre les poches Clear Touch, vous laissant utiliser l'écran tactile sans avoir à sortir l'appareil de la poche. My God! Pour faire prochaine chanson, etc. Et on parle aussi de recharge. Une poche offre l'espace nécessaire pour un câblage interne permettant de recharger vos appareils en toute simplicité. Même les écouteurs ont droit à leur propre système pour ne pas avoir de mésaventures avec les câbles. Toutes ces poches ont été réparties de telle manière que le poids de vos appareils ne se fasse pas sentir. Et c'est résistant à l'eau et à la poussière. Évidemment, il faut investir un petit peu d'argent pour tout ça. C'est 215$ américains, mais pour mais un manteau... Mais c'est pas si cher, c'est moins cher qu'un Canada Goose. Ben, c'est moins cher que genre sécurité plus mode plein air urbain et plus ultra. ScottEvest.com, Scott comme le prénom Scott, E comme électronique, Vest comme une veste mais en anglais. J'aurais dû les plier à la place à la tête. Aïe, aïe. C'est cool, hein? Très. Parlant de cool, retournons en arrière un petit peu des trucs de jeux vidéo sur l'adaptateur pour commencer, pour brancher une manette sans fil moderne sur un vieux Apple II. Vieux Apple. Analog propose déjà des adaptateurs permettant aux amoureux du retro gaming d'utiliser leurs manettes sans fil moderne sur les consoles NES ou Super NES, mais la société s'est aujourd'hui associée à 8BitTendo pour remonter encore davantage dans le temps et proposer un adaptateur pour Apple II et Apple IIc à 40 ans. D'arrière-âge là-dessus. Deux ordinateurs qui ne sont pas des machines de jeu du tout, mais qui furent les premières machines à apporter le jeu vidéo dans les maisons. Ils intéressent donc particulièrement un bon nombre de collectionneurs et nombreux sont ceux à en avoir un en parfait état de marche. Analog et 8BitTendo ciblent donc ses passionnés. C'est le nouveau Retro Receiver, conçu pour célébrer la sortie de cet ordinateur il y a maintenant 40 ans, se connecte très simplement sans aucun câble d'alimentation. Au lieu de remplacer une manette filaire, il est conçu pour répliquer le clavier de l'ordinateur, donc chacune des touches vont être amalgamées à une touche du clavier, donc la flèche d'en haut, la manette va avec la flèche d'en haut du clavier, etc., etc., pour jouer à n'importe quel vieux jeu. Ils ont aussi créé une manette sans fil dans le plus pur style des débuts d'Apple, donc ça s'appelle la AP40 qui utilise du Bluetooth. Analog et 8BitTendo ont opté pour une distribution via Kickstarter, donc la manette ressemble à une manette de Super Nintendo dans sa forme et le devant ressemble à la pomme d'Apple dans le temps qu'elle était colorée, donc bleu, mauve, rouge, orange, jaune et vert. Les boutons de droite sont rouges comme la manette de la NES. Hein? Et on a remplacé les boutons, en dessous des boutons Start Select, on a ajouté des joysticks qui font du 360 degrés, voilà. Donc le Retro Receiver et le AP40 peuvent être précommandés pour $49 américains. Les premières livraisons attendues en janvier prochain et une édition limitée du AP40 avec pied en aluminium façon Apple II qui est proposée à $69 américains et un pack qui contient l'AP40 et le Retro Receiver en tout pour $85 américains. Parlant de jeux vidéo rétro, la console fabriquée en France, pensée pour les retro gamers. Les consoles rétro sont de plus en plus à la mode. Je pense que la mode n'a jamais vraiment arrêté. Et la RetroPack compte surfer sur la vague, nous dit UberGizmo.com. Donc, c'est un projet français qui prend la forme d'une console de jeu capable d'émuler une vingtaine de consoles ayant fait l'histoire du jeu vidéo. Et ça peut être précommandé en ce moment même. Né à Lyon, le projet RetroPack se base sur l'utilisation d'un Raspberry Pi 3. Ça, c'est des mini-ordinateurs à quelques dizaines de dollars qui servent de cinéma maison, entre autres, d'émulateurs de jeux vidéo. C'est couplé pour l'occasion à une poignée de composants assurant une compatibilité Ethernet, Wi-Fi. Ethernet, c'est avec l'Ethernet avec fil. Wi-Fi, Bluetooth, USB et micro-USB. C'est vu configuré de manière à faire tourner une belle brochette d'émulateur pour jouer à des jeux vidéo illégalement. Livré avec une vingtaine de jeux open source, ça tient évidemment son intérêt de sa capacité à émuler une vingtaine de consoles et donc de vous permettre de profiter de toutes les ludothèques de l'Atari 2600 à la PlayStation, la NES, Super NES, Mega Drive, PC Engine, peu importe. On peut jouer à 4 joueurs simultanément. C'est lancé non pas sur Kickstarter, mais sur une plateforme que je connais pas du tout. Qu'est-ce qui est Bang Bang? OK. Qu'est-ce qui est Bang Bang? .com. Et le projet demande 100 €, étant donné que c'est français, au minimum, pour se procurer cette console RetroPack. Ensuite, Nissan imagine une chaise autonome destinée au fil d'attente. Ah ouais! On a parlé quelquefois de bancs qui se tiennent debout, de petites cannes qui forment un banc, un peu comme dans les arrêts d'autobus, des trucs comme ça. Ici, c'est pas nécessairement la même chose. C'est une chaise autonome dans le sens que c'est électronique. OK. Donc, pour patienter dans les files d'attente. Imaginez donc une chaise autonome en mesure de vous balader jusqu'à la caisse de votre magasin sans avoir à vous lever et déplacer la chaise physiquement, tu comprends? Donc, c'est le concept présenté par Nissan au travers de cette ProPilot Chair qui tire son nom de la technologie de conduite semi-autonome intégrée au modèle de véhicule Serena qui laisse deviner un futur où l'humain n'aurait même plus besoin de rester debout en attendant qu'on lui encaisse ses achats quand il ira faire ses courses. Un peu comme si, comme vous passez une commande oui, sur Internet et que vous êtes assis chez vous. Sauf que là, il vous faudra quand même vous déplacer physiquement jusqu'à la boutique. Donc, une fois rendu au magasin, la chaise bouge tout seul, mais là, tu peux pas passer de chez toi au magasin. Donc, c'est équipé de caméras et la chaise anticipe les objets. Et dans le cas où elle va servir à vous aider à faire la queue dans une file d'attente, comme pour le plus récent iPhone, les mouvements de la personne qui se trouve devant vous sont surveillés et votre chaise va avancer en fonction de ça. Donc, c'était pensé pour être installé dans les files d'attente, ça pourrait être à l'aéroport, ça pourrait être à plein d'endroits. Voilà, donc c'est la ProPilot par Nissan. Évidemment, un concept, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter. Pour l'instant. Pour l'instant. Une astuce très simple maintenant pour ceux qui veulent empêcher les dégâts lors des livraisons. Si vous faites livrer peut-être un vélo, peu importe, les livraisons sont souvent rapides, mais les marchandises sont souvent maltraitées et des dégâts sont régulièrement constatés par les clients. On a déjà vu des vidéos passer en ligne de livreurs de UPS, peu importe, qui lancent des paquets dans les camions ou dans les avions, peu importe. Donc, le fabricant de vélos hollandais Van Moof, déjà, ça commence bien par le nom Van Moof. C'est ça, exact. A trouvé une astuce ingénieuse et simple pour limiter la casse. Imprimer un téléviseur sur ses cartons de vélo. Oh! Donc, ils font livrer leur vélo dans un carton qui ressemble à une boîte que tu aurais acheté lors de l'achat d'une télé. Donc, les gens vont faire plus attention. Van Moof prévoit de vendre 90% de ses vélos en ligne d'ici 2020, mais après avoir constaté une hausse des dégâts durant les livraisons et les nombreuses pertes financières qui vont avec, la société n'avait plus que deux options, revoir tout son modèle économique ou trouver une solution efficace. Ça a fonctionné à perfection. Aux États-Unis, où la plupart des dégâts étaient constatés, les produits endommagés virent leur nombre diminuer de 70 à 80%. OK. Les produits endommagés virent leur nombre diminuer de 70 à 80%. Cette phrase ne veut rien dire. Mais ils s'endommagent moins, ils se font moins endommagés de 70 à 80. Ah, donc 70% de non-endommagement? Oui, c'est ça. C'est un peu comme à l'envers de la logique. J'aurais dit 20% d'endommagement, non? Oui, mais c'est l'amélioration de l'endommagement. Tu prends le nombre, mettons, de l'année dernière qui a été endommagé. Il y avait 70% endommagé. Non, 70% non endommagé. Non, mais tu prends le nombre d'objets qui ont été endommagés l'année dernière. Puis là, cette année, tu prends le même nombre, tu fais, OK, c'est quoi la moyenne selon ce qu'on avait l'année dernière? Ah, wow, OK. Puis là, c'est comme, ah, ben c'est 70 % de moins que l'année dernière. Tu comprends? Moi, ouais, mais je suis perdu pareil. Donc, Valmouf a réussi à conserver son idée secrète pendant quelques mois, mais quelqu'un avait fini par vendre la mèche sur Twitter, ce qui a valu un message de leur part sur Facebook. Je cite, notre secret a été révélé et nombreux ont été les témoignages d'internautes particuliers ou professionnels qui vantent cette merveilleuse idée. Maintenant, on parle de bracelets connectés. Je me rappelle, il y a quelques semaines, je me rappelle pas dans quelle chronique j'en ai tellement, mais on parlait que les bracelets connectés, c'était pas l'affaire qui t'aidait le plus à perdre du poids. En fait, ça t'aidait pas du tout à perdre du poids. Maintenant, Garmin propose un bracelet de suivi d'activité spécialement conçu pour inciter les enfants à bouger et à ranger leur chambre. Ooh. À la place, on change l'objectif tant qu'il n'y a pas été capable de perdre du poids, nécessairement. Donc, tu changes l'objectif pour ranger leur chambre, faire leurs devoirs et plus. Donc, Garmin propose un bracelet de suivi d'activité spécialement conçu pour inciter les enfants à faire tout ça. Après les Vivo Active, Vivo Smart, Vivo Fit, des bracelets destinés à aider les consommateurs à mesurer leur activité physique, Garmin lance donc le Vivo Fit Junior. Un bracelet qui a été conçu pour encourager les enfants entre 4 et 10 ans spécifiquement à rester actifs tout au long de la journée. À l'instar des produits pour adultes, ce bracelet comptabilise le nombre de pas effectués, rend compte du temps de sommeil, mais grâce à l'application mobile téléchargée sur le smartphone des parents, peu importe si c'est un iOS ou Android, il permet aussi de rendre compte de leur vie quotidienne. Ça va des tâches ménagères qui ont été définies au préalable, comme vider le lave-vaisselle, la laveuse, mettre la table, aux missions quotidiennes, comme se brosser les dents ou faire son lit. Les parents pourront aussi programmer des notifications qui seront envoyées sur le bracelet pour rappeler à l'enfant de s'habiller peut-être à 7h45 ou faire ses devoirs à 17h pour éviter d'avoir à lui répéter 10 fois la même chose. Pour s'adapter, ouais, c'est pas fou. Pour s'adapter à ce jeune public et le motiver, Garmin propose des défis à réaliser en famille, compétition de pas, jeux à débloquer ou indices à récolter à chaque objectif d'activité atteint pour avancer dans l'aventure proposée sur l'application, points qui peuvent être convertis en récompenses pour les parents. Le VivoFit Junior est équipé d'un bracelet élastique pour s'adapter à tous les poignets. Ça, c'est cool pour vrai, comparé au bracelet pour adultes, tout un large ou un médium. C'est étant jusqu'à 50 mètres. Ça pèse seulement 17,5 grammes, dispose d'une autonomie d'un an grâce à une pile bouton. L'écran d'accueil peut être personnalisé avec le nom de l'enfant, affiche une barre d'inactivité pour l'inciter à rester actif au moins 60 minutes par jour. Ça peut aussi servir de montre, accessoirement. Il n'y a pas de GPS, par contre, donc les parents ne pourront pas savoir où sont leurs enfants. Tristesse. Pour offrir le VivoFit Junior dans l'un des trois coloris disponibles, il faudrait quand même débourser une centaine de dollars et plus. 150 environ. Ensuite, un vélo d'appartement qui intègre un tapis de course pour votre chien. Oh! C'est du Japon, bien sûr. Ben oui, évidemment. Étonnante, elle cache malgré tout un côté pratique évident. Malgré son nom très très long, donc le Doggy Health Run Pet Owner Exercise Treadmill, ça va être utile aux personnes ayant pris l'habitude de faire de l'exercice avec leur fidèle compagnon à l'extérieur, mais maintenant vous allez pouvoir le faire à l'intérieur. C'est attaché à un tapis de course pour chien, donc ce vélo d'appartement va vous permettre de brûler des calories tout en promenant votre chien ou tout au moins en lui donnant une illusion de marcher. Et le maître autant que l'animal seront ravis. N'est-ce pas merveilleux? Ça va être vendu pour 1 800 €. Donc, j'imagine, en dollars canadiens, ça donne, j'imagine, je vais dire 1 400. On va voir ce que ça donne. Attention. Non. Attends un peu. Ah, 1 180. Ah. C'est loin. Tu vois, quand t'es... Même. Ben, c'est pas super. Calcul mental, hein, c'est pas mon fort. Tiens, t'aimes Harry Potter? Oui. Please. Donc, ce chapeau magique en cristal qui brille de la couleur de votre maison. On trouve de tout sur Etsy, nous dit Uber Gizmo, et la pop culture est très présente. Donc, maintenant, la boutique Potter Mastercraft, un nom qui vous montre la passion du vendeur. On trouve 4 chapeaux magiques en cristal, chacun faisant illuminer le nom d'une des maisons de magie de Poudlard dans la couleur de l'école. Chacun de ces chapeaux magiques pèse plus de 1,8 kg et intègre des lumières LED pour faire briller l'ensemble de la bonne couleur. Une lumière d'ambiance tout désignée pour le fan de la saga que vous êtes. Donc, la boutique s'appelle Potta, P-O-T-T-A, Mastercraft. Ça coûte... Ah, les prix en euros, là... 63,96 € donne, en dollars canadiens, 95, presque 100 $. Ouais. Maintenant, Polaroid. On a souvent des nouveaux appareils photo de Polaroid. C'est vrai. Une fois de temps en temps, peut-être une fois par, j'irais, année au moins, j'ai un article sur ça. Donc, Polaroid qui présente le nouveau produit Instant. C'est une Franken caméra, un genre de caméra Frankenstein avec écran tactile. OK. Donc, plusieurs manufacturiers, plusieurs compagnies essaient de résoudre un puzzle des caméras numériques. Comment convaincre les consommateurs, les clients qu'ils ont besoin d'un appareil séparé? Et non pas de juste prendre les photos avec leur iPhone 7 avec les beaux petits effets de bokeh en arrière qui est tellement beau, puis j'ai hâte de l'avoir. Rupture de stock. Donc, Leica a amené une série de... Pardon. récemment, donc avant cet article-là, Leica avait sorti une série de caméras instantanées qui pouvaient développer des films directement devant vous. C'était vraiment cool. C'était un hommage au Polaroid qui était devenu célèbre pour ses caméras instantanées. Maintenant, Polaroid essaie de faire la même chose et battre la compétition avec le Snap Touch, une caméra qui mélange le old school avec le new school, donc un écran tactile. Comme le Leica Sofort dont je t'ai parlé tantôt, le Polaroid Snap Touch arrive en une variété de couleurs. Contrairement à la Leica, on peut utiliser un écran tactile de 3,5 pouces à la place du viewfinder, donc le trou dans l'appareil pour viser. Les photos à 13 mégapixels. Les photos s'impriment sur du 2 par 3 pouces sur un papier photo propriétaire, évidemment qu'il faut absolument acheter de la compagnie. C'est un papier qui est waterproof, à l'épreuve de l'eau. Pour garantir que vous n'aurez pas à jongler vos appareils, le Snap Touch peut même filmer de la vidéo en haute définition. Donc, pas besoin de changer l'appareil, prendre votre iPhone pour les vidéos et l'appareil pour les photos. Pour les enthousiastes, ceux qui aiment l'impression, ce qu'il y a de plus cool, c'est analogue complètement. Les photos sont imprimées sur le Zinc Zero, le papier spécial de Polaroid. Un processus qui utilise la chaleur pour activer des cristaux de couleur qui sont pré-imprimés sur le papier. OK. Vraiment cool. La caméra va être vendue quand même cher, $180 américains, avec des paquets de papier à partir de $10 pour un ensemble de 20. Polaroid prend présentement les précommandes. On leur souhaite du bon succès là-dessus. Même si pour vrai, les appareils photos sont tellement rendus incroyablement sophistiqués sur les appareils cellulaires que c'est difficile de me convaincre. C'est vrai, hein? De payer pour avoir deux gadgets dans mes poches, traîner un sac à dos pour avoir mon nom. Pas ça. On parle souvent de café dans cette chronique. C'est une passion qu'on a, nous deux. Oui. Maintenant, c'est la cafetière la plus dure, la plus heavy duty, la plus, on dit, world's toughest coffee la maker. La robuste. La plus robuste. Oh, merci, c'est un bon vocabulaire. Design, comme tu l'as dit, robuste, qui va supporter n'importe quel environnement. Donc, idéal pour les travaux de construction, par exemple. Ça ressemble un petit peu, je te dirais, au plastique très, très dur des Otterbox pour les cellulaires. Donc, du gros caoutchouc, du gros plastique caoutchouté. Il y a une poignée pour tenir ta cafetière. C'est pas énorme, mais c'est, mettons, je dirais peut-être le double de l'argent d'une tasse, peut-être le triple. OK. C'est comme un cube de couleur, genre, c'est une des couleurs que j'aime le moins au monde, un genre de jaune vert-verté ou un vert jaunesque que j'aime pas du tout. Ça s'appelle la Coffee Box, donc Coffee et puis Box, B-O-X-X. C'est à l'épreuve de la rouille. OK. C'est à l'épreuve de plein d'autres choses. J'avance un petit peu dans la vidéo. Portable, donc portative, légère. À l'épreuve des dégâts aussi. Il l'amène en genre de véhicule tout-terrain ou en genre de, je sais pas comment appeler ça, ces véhicules-là. Des grosses charrues, là, on pile dessus avec des pneus de char. On lui fait vivre un paquet de choses. C'est l'épreuve de l'écrapoutissage. Mon Dieu, d'accord. Hein? C'est construit pour ceux qui s'aventurent dans le monde. Donc, Ox, c'est le nom de la compagnie, et Coffee Box, c'est le jeu de mots qu'ils ont choisi pour cette cafetière robuste. Ensuite, est-ce que t'as voulu toujours cacher ton fusil chez toi pour pas te faire voir avec en position oui, clairement. De écoute, c'est quelque chose auquel je pense à tous les jours. Si tu vivais aux États-Unis, ça serait peut-être un petit peu plus ouais, bref. C'est ça. Donc, pour ceux qui ont besoin de cacher quelque chose comme un fusil, peut-être pas n'importe quoi d'autre, je pense que c'est fait spécifiquement pour les fusils, les lampes de poche, des trucs comme ça. Donc, c'est un Hidden Compartment Shelf, donc c'est une tablette que vous avez sur le mur pour mettre des livres, une horloge, des trucs comme ça, une petite chandelle, peu importe. Et sous la tablette, il y a un compartiment caché qui se referme et s'ouvre avec un mécanisme super sécuritaire. Ça mesure 23 pouces de long, la tablette. C'est fait à partir de pin, l'arbre, et du mahogany. OK. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mahogany, en français. Je l'ai comme sur le bout de la langue, mais je suis pas sûr. C'est du... Attention. Mon dieu que c'est long. De l'acajou. Voilà. De l'acajou. Bref, c'est une tablette qui s'ouvre pour cacher vos armes ou autre truc comme ça. 175$ sur Etsy.com en dollars américains, bien évidemment. Ensuite, toujours en... non, pas toujours. Enfin, on revient au cellulaire. C'est un chargeur pour la batterie de votre téléphone, mais un chargeur jetable. Assurez-vous que votre téléphone reste toujours bien rempli de batterie quand il n'y a pas de prise de courant proche en utilisant ce chargeur de poche pour téléphone intelligent, mais qui est jetable. C'est préchargé dès que tu l'achètes. C'est compatible avec plusieurs modèles de téléphone, que ce soit Android ou iOS, pour 5 heures de plus de durée de vie de pile. Et après ça, tu jettes ça. Imagine les déchets que ça fait dans la nature. Ah, c'est sûr. Hein? $12 sur Amazon.com, dollars américains, bien sûr. J'encourage pas du tout l'achat de ce gadget. Il nous en reste deux pour terminer. Pour commencer, il a toujours existé des affaires pour jouer au golf au bureau. OK. T'sais, les hommes d'affaires vont jouer sur un genre de tapis de green avec bon une petite cible pour lancer leur balle, etc. Ici, c'est beaucoup plus sophistiqué. C'est fait en bois avec une surface en genre de gazon synthétique parfait qui imite vraiment la texture. T'as un trou qui est vraiment donc en profondeur parce que les boîtes, l'interface, comment dire, le parcours est quand même assez épais. Avec des poignées tout le tour pour pouvoir le remboîter, faire une grosse boîte en tant que tête. Ouais. Après ça, tu viens déplier ça pour faire ton terrain. Et t'as même, non seulement le trou est profond, mais en plus, t'as comme une genre de tête de lit pour que si ta balle dépasse ton trou, ça va rebondir sur le truc pour pas tomber en bas de la surface. Donc, quand même assez intelligent, plusieurs surfaces qui peuvent être emboîtées, je crois, du côté que tu veux. Parce que j'ai vu qu'il y en avait une qui avait une poignée que tu pouvais comme mettre à côté. J'imagine que c'est pour te mettre debout dessus. Sûrement. Donc, c'est fait à la main avec une série de. Comment t'appelles ça? De mécanismes inter qui viennent se connecter l'un dans l'autre, des deux côtés, pour pouvoir brancher ça, les surfaces les unes dans les autres. Okay. Bref. Pour 2000$, 1999$ sur brunswickbilliards.com. Comme je l'ai fait à la main, c'est pour ça que ça coûte plus cher. Et tu peux élever le green à différentes hauteurs pour augmenter le niveau de difficulté. Ah! Cool, hein? C'est vraiment cool. Et pour terminer, c'est une chandelle intelligente. Oui, pardon? Tout est intelligent. C'est Ludella, donc une chandelle contrôlée par votre téléphone cellulaire. OK. Ouais. Vous avez peut-être déjà vu les ampoules qui peuvent être contrôlées par cellulaire, mais Ludella, c'est la première chandelle intelligente. Donc une vraie chandelle avec une vraie flamme. C'est pas une lumière LED qui ressemble à une flamme. Non, c'est une vraie flamme avec du feu, là. On peut vraiment la contrôler, effectivement, avec votre téléphone cellulaire. Donc, Ludella, c'est deux morceaux. C'est la coquille extérieure qui vient de différentes couleurs qu'on peut remplacer pour aller avec votre décor ou la différente saison. Donc, tu pourrais vraiment choisir l'extérieur que tu veux à ta chandelle. Et t'as la cartouche intérieure de la chandelle qui est faite de cire naturelle à 100% sans paraffine. Donc, complètement naturelle qui peut brûler jusqu'à 30 heures de suite. Hein? Donc, il n'y a rien de mieux que l'ambiance, l'odeur et la lumière d'une chandelle, disent-ils. Mais il y a des risques de feu, risques de dégâts avec la cire. Sûr. Oui. Bon, ça peut être compliqué, donc c'est pour ça que Ludella a inventé ça, avec sa chandelle intelligente qui amène le côté pratique et l'aspect sécuritaire des lumières LED, mais avec la magie et la fascination d'une vraie flamme. Combiné avec leur mission sociale, disent-ils, Ludella donne une meilleure lumière et de meilleures vies à travers le monde. Wow. Donc Ludella a un sensor à l'intérieur qui va automatiquement éteindre la flamme si elle remarque des conditions qui ne sont pas sécuritaires, comme si la chandelle tangue sur le côté, si la chandelle tombe, si des objets par-dessus la flamme, le sensor va détecter ça et va éteindre la chandelle. Donc Ludella Smart Candle, disponible en précommande avec un prix d'introduction de 99$ et les chandelles, ça c'est pour la chandelle, et 7,99$ pour la cartouche sur ludella.com, L-U-D-E-L-A.com. On s'attend à ce que la livraison soit au début de 2017. Oh! Voilà, on a fait dans le temps prévu. C'est parfait. 20, c'est vraiment le chiffre parfait, je pense, pour cette chronique-là. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Et malheureusement, ça va être la fin de l'émission pour aujourd'hui, Tania. Eh oui, on va se retrouver demain. On remercie Sébastien Guertin. Tout à fait. Pour sa chronique Bulletin Guertin. On remercie Gabriel Béhoud. Aussi. Pour Dans les coulisses de la Luître. Demain, on sera jeudi. Hein? Oui, déjà. Oui, absolument. Et demain, on aura la chronique de la GQTR vers les 8h, ainsi qu'une grosse pointe d'adresse pour terminer ça à 8h30. Tania va être là aussi. Je te remercie, Tania Baudin. Ben, je te remercie, Mathieu Blanc. Ça me fait plaisir. Restez sur nos ondes plus tard aujourd'hui à 10h. C'est l'émission de Contes traditionnels, Contes à rebours. Ensuite, à 13h, ce sera Les grandes voix francophones, le magazine culturel. À partir de la semaine prochaine, à midi, il y aura Colette ensemble dans la case horaire de midi. Et je crois que ce sera à 11h, à partir des prochaines semaines, il y aura la nouvelle émission de David Ferron qu'on a annoncée pour la première fois hier, L'Aube Trotter. Donc notre mercredi va être très rempli à partir des prochaines semaines. Mais pour l'instant, ça continue à 13h, les grandes voix francophones. Ensuite, à 14h, tu vas être de retour pour En piste avec Tania Baudin. Qu'est-ce qui s'en vient, Tania? Bien évidemment, on va faire le retour sur peut-être ce qui s'en vient pour la saison prochaine, c'est-à-dire les retours en force en indie. On va aussi parler de ce qui s'est passé ici du côté de PSL en fin de semaine. Et bien évidemment, on va voir le segment Formule électrique. Génial, c'est En piste avec Tania Baudin à partir de 14h. Moi, je vais être de retour à 15h pour le Mathieu Plante Show. Ensuite, 17h automatique et 20h Radio Sonic Cif.ca pour la programmation complète. AssemblageRequis.com pour les notes d'émission, les balados de diffusion. Encore une fois, merci Tania. Merci à toi, Mathieu. À demain, 6h30. Bye. On se quitte sur la bronze avec Roi de nous. Bye bye. À demain. Oui. Bon café. Miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam, miam. Crame sur nous, mon dragon. Fui